1. Je suis debout derrière. Ne regarde pas dehors. Me fais hurler dessus pour avoir baissé les yeux. Je suis yeux fermés, tête baissée, dans toutes les assemblées. Je suis genoux fléchis, poitrine au sol. Je suis fleur près du mur, herbe dans l'ombre. Je suis tout tourné, épaules voûtées, visage creusé. Je suis cri, hurlement. Je suis serpent dans l'avion, hyène, antilope. Je suis fourmi sous une pierre, scarabée qui se carapate. Je suis frappé à la naissance, noir de cou. Je suis sable, je suis terre, je suis glèbe. Je suis moins que glèbe. Je suis pauvre. Je suis si pauvre que ma peau est ma pelure. Je suis dénudée, honteuse. La terre ne peut me nourrir. Je suis la faim, les morts, le cadavre au bord du chemin. Je suis l'abîme dans lequel on redoute de tomber. Comment retenir sa respiration? De Zini Harris. Traduction Blandine Pellissier. Enregistré en public à l'Odéon Théâtre de l'Europe le 20 mars 2017. 2. Europe. Dans une chambre confortable, deux amants sont entrelacés sous les couvertures, lourds de sommeil. Dana, la femme, est proche de la trentaine. Jaron, l'homme, est un peu plus âgé. Dana se redresse. Non, pas ça. J'ai fait un drôle de rêve. C'est pas encore le matin. Mais le soleil est levé. Eh, le soleil est levé. Ok, le soleil est levé. N'empêche qu'on peut dormir encore un peu, non? On pourrait. Alors pourquoi on ne le fait pas? Il la tire pour la recoucher. Elle rit. Il la recouvre du drap. Elle le laisse faire. Il l'embrasse. Elle lui rend son baiser. Tiens, une cicatrice sur la poitrine. C'est là où ils m'ont arraché l'âme. Très drôle. Il s'embrasse à nouveau. Il roule sur elle. J'ai drôlement faim. Hein? Pas toi? T'as pas envie de manger? Pas vraiment, non. On mange pas là d'où tu viens? Hein? Des fois, mais pas au milieu de... Prends des fruits à l'heure du pain, c'est l'heure du petit-déj. Sérieux? Sérieux. Je meurs de faim. D'accord. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Et un magasin en bas. Tout ce que tu peux imaginer. C'est ouvert à cette heure-ci? Il n'est pas si tôt. Il se fait tard, même. Étonne-moi. Croissant, café... Jus de fruits, gâteau. Miam. Il l'attrape. Elle pousse un petit cri. Il s'embrasse pendant un moment. Encore. Il s'embrasse encore. Quel goinfre. Ben tiens. On dirait que t'as jamais été embrassé. Pas par toi. Chut, discret, je suis en coloc. Hein. Je m'en fous. Non, vraiment. Ah. Tu as très très faim. Ah bah quand même. Tu trouves que j'ai eu ma dose? Tais-toi. Tu t'ennuies? Et tu veux te débarrasser de moi? Jamais. Eh, hey, c'est pour ça que tu regardais le soleil. Mais la journée a commencé, c'est tout. Eh, hey, je te paierai un supplément. Pardon? Je te donnerai un peu plus. Ah, un peu plus de quoi? D'argent. Eh, hey, tu es une femme d'affaires. Je sais comment ça marche. Tu penses que tu paies? Non. Hein? Hein? Hein? Ouais, non, attends, une seconde. Putain, le culot! Tu m'as abordé sans préambule. Bah, je t'ai trouvé l'air sympa. Tu m'as trouvé l'air sympa. Bah, c'est si bizarre que ça, t'as dit que tu travaillais pour l'ONU, j'étais curieuse. Tu ne portais quasi rien. Des dessous. C'était une robe. C'était une robe. C'était une robe. Mais tu sors d'où? Et j'ai déjà vu des robes, mais là... Je suis désolé. Je me suis trompé. Tu m'étonnes. Bordel de merde. Je reviens pas que t'aies cru à la vache. Les filles ne m'abordent pas comme tu l'as fait. Je suis pas une fille, je m'appelle Dana, je suis diplômée. J'ai un cerveau capable de prendre des décisions. Dana s'assoit dans le lit, le drap sur les genoux. Je paie pour coucher. Et alors? Je pensais que tout le monde le sait. Pas ici. D'où je viens, si? Et c'est où d'où tu viens? De l'enfer? Bah, ne ris pas. Arrête de faire des blagues, alors. Je plaisante pas. Le sexe pour lequel on paie, c'est toxique. Une source d'irritation, c'est sympa une seconde, mais... Ça me convient. Tu connais pas d'autres manières. Tu as oublié les autres manières. Ouais, peut-être. Il faudrait que quelqu'un te montre, alors. Je te proposerais bien, mais tu m'as blessé. Vraiment blessé. Je t'ai dit que j'étais désolé. Il est tenté une seconde, puis il renonce. Tu devrais t'habiller plus quand tu sors. Tu devrais faire plus attention au message que tu envoies. Tout le monde s'habille comme ça. Hein. Il commence à enfiler son pantalon. Tu vas où? J'ai des kilomètres à faire aujourd'hui. Il faut que j'aille jusqu'à l'Adriatique pour passer en Afrique du Nord. Et c'est tout? Hein? Quoi d'autre? Je t'ai fait une offre. Que tu as ensuite retirée. D'accord. La voilà. L'offre. Je te ferai l'amour parce que j'en ai envie. Et tu peux me faire l'amour en sachant ça. J'ai pas le temps. Oh, ça fait peur. Il la regarde. Tu ne me connais pas. Je te connaissais pas avant. Et on a parlé une heure au bar, on s'est mis minable, on a baisé. On s'est câliné, on s'est embrassé. Arrête, arrête, putain. Mais c'est dingue que ce soit si compliqué. Deux personnes, deux adultes consentants. T'inquiète, t'es pas obligé de tomber amoureux de moi. Je croyais que je savais ce qu'on faisait. Je croyais qu'on savait tous les deux ce qui se passait. Je croyais que c'était entendu, plié, réglé, arrêté entre les parties, tout bien. Tout va bien. Non, tout va pas bien, putain. Bien sûr que si. Il attrape sa chemise. T'as pas besoin d'étaler comme ça, là. On ne me la fait pas à moi. Je suis quelqu'un de très puissant, ne m'embrouille pas. Je t'ai pas embrouillé. Ça craint vraiment. Mon boulot, c'est d'organiser les gens. J'écris des rapports, je fais des kilomètres et des kilomètres, on ne me la fait pas à moi, je me laisse pas attraper comme ça. Tu n'es pas attrapé. Il se boutonne. Je ne bois pas avec des femmes dans des bars pour de vrai. Compris? Mais où est le mal à dire je t'aime bien, je te trouve sympa? Il met ses chaussures. Sympa. Tu veux savoir à quel point je ne suis pas sympa? Et si je te disais que je t'ai suivi uniquement parce que j'ai vu ta gentillesse? J'ai vu que je pouvais te briser le cœur. Eh, redescends un peu, hein. C'est moi qui t'ai abordé, pas l'inverse. Hein. Mais c'est moi qui ai fini avec ma bite dans ton cul. Je pensais que tu aurais remarqué mon sperme noir, mon visage déformé, mes ongles striés. Bref, il ne m'est pas venu à l'esprit que tu puisses faire autrement que me mépriser. Je ne suis pas aimable. Je suis le mal-aimé, pas le genre de type à qui on dit qu'il est sympa. Craint peut-être, haï c'est sûr. Je suis un diable, je t'ai dit, un démon, un coup de tonnerre. Je suis quelqu'un de carrément puissant, putain. Les gens changent de trottoir pour ne pas me croiser. Je suis un cauchemar, un passage souterrain dans le noir, une ruelle, un pont qu'on ne traverse pas. Je crois que j'ai compris. Putain de pute, ma boule. J'avais pas compris que tu jouais à un jeu. T'aurais dû le dire. Ça aurait tout gâché. Sympa mon cul, t'as de conneries, ouais. Me donne pas du sympa. Il a fini de s'habiller. Faut que j'y aille. J'ai des milliers de kilomètres à faire aujourd'hui. Tu l'as déjà dit? Il amorce un départ. Il revient. Je crois vraiment que je devrais te payer. Ce sera plus clean si je te donne quelque chose. J'ai dormi ici, après tout. Je vais te donner quelque chose pour le lit. Je ne veux rien. Tu dois bien vouloir quelque chose. On veut toujours quelque chose. Un nouveau téléphone ou une nouvelle robe. Achète-toi une nouvelle robe. Pourquoi tu ne veux pas prendre mon argent? Pourquoi ça te dérange? C'est bon, j'ai compris. Tu n'es pas à la rue, tu n'es pas à vendre. Tu penses que l'amour ne s'achète pas? Admirable, quoique un peu dépassé, mais quand même j'admire. Je ne veux pas laisser ça bâcler avec le risque que l'un de nous puisse avoir une raison de repenser à la nuit dernière. J'ai des choses importantes auxquelles penser, moi. Je ne veux pas penser à toi. Eh bien, ne pense pas à moi, alors. Tu finiras par vouloir de l'argent. J'en doute. Je suis un démon, hein, je te l'ai dit. Un dieu. Je fais mumuse avec ta tête quand je veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne 2 semaines pour que tu me supplies de te payer. Ça m'étonnerait. Salut, Dana. J'ai pas peur de toi. Hein. Tu as peut-être un ego monstrueux, mais tu as 0 pouvoir. Qu'est-ce que tu as comme pouvoir? Il sort. On a mis une capote, putain. N'essaie pas de me faire peur, hein. Dana reste seule. Pauvre crétin. Elle donne des coups de pied dans les draps. Brutti. Oh, putain. 3. Dana entre dans la pièce où sa sœur Jasmine est en train de s'habiller. J'ai baisé avec un démon. Tu as quoi ? J'ai baisé avec un démon. Toute la nuit. Toute la nuit ? Oui. Plusieurs fois. De plein de manières différentes. Oh la vache. De plein de manières. Sa sœur la regarde. La fait entrer. Recommence à se brosser les cheveux. C'est pas grave. Moi, je plaisante pas. Il a dit qu'il était de l'ONU. Et il l'est ? Je sais pas. Pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Mais il avait l'air sympa. Il était au fond du bar, près de la fenêtre. Je suis passée près de lui, les bras chargés, il s'est poussé du chemin. Tu l'as baisé parce qu'il s'est poussé du chemin ? Pas que pour ça, évidemment, mais c'était gentil. J'avais plein de sacs et mon ordi, il n'y avait pas de place pour passer. T'en es vraiment là ? Je me suis dit qu'on allait peut-être tomber amoureux et vivre dans les bras l'un de l'autre. Humour. Je me suis dit qu'il allait peut-être m'offrir un verre, m'allumer une cigarette. Mais c'est pas vrai ! Il aurait pu me faire un croche-pied, il aurait pu me pousser, il aurait pu me cracher à la gueule. Il aurait pu, ouais. Va prendre un bain ou je sais pas, oublie-le. Dana reste à la fenêtre. J'ai essayé. C'est toi qui me dis toujours passe à autre chose. Appuie sur un bouton dans ta tête et baigne-le. Et on voit le résultat. Il a même pas laissé son numéro, je parie. Il sait où j'habite, il reviendra peut-être. C'est loin l'Adriatique. L'Adriatique ? C'est vers là-bas qu'il allait. Dana, arrête avec ça. Il s'est passé quelque chose entre nous. Moi je sais, ça fait con de dire ça. T'es pas censée te préparer là ? Pourquoi ? Allô ? Oh la vache ! T'avais pas oublié ? Quelle heure il est ? Moins 10. Merde ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Je serai à l'heure. Oh putain ! Je vais pas t'apporter ton café, je suis ni serveuse, ni servante, ni ta mère. T'as oublié, tu te démerdes. Dana se met à courir dans tous les sens à la recherche de ses vêtements. Mais c'est pas possible ! Et c'est où au fait ? Dans le centre, où est ma veste ? Je vais pas t'emmener non plus, je suis pas chauffeur de taxi ou de maître. Si t'as besoin d'une secrétaire perso, tu t'en cherches une. Je t'appelle un taxi, de toute façon ma voiture est au garage, alors même si. T'as un chemisier à me prêter ? Ils sont tous chiffonnés. Et celui-là ? Celui que je porte ? Oui. Celui que je porte là ? C'est une urgence. C'est qu'un entretien pour une bourse. Pour une bourse, mais que je veux vraiment. Mais que tu veux tellement que t'en as oublié l'entretien. Est-ce que je peux t'emprunter ton chemisier, s'il te plaît? Je suis ta sœur et j'ai besoin d'aide. Ma sœur, oui, mais pas à charge. J'y crois pas. Jasmine commence à enlever son chemisier. Dana fait de même. Tu veux pas ma jupe aussi pendant que tu es? Dana regarde la jupe. Non, merci. Mais le culot. Et moi aussi j'ai un boulot, je te signale. Ah zut, je voulais cirer mes chaussures. T'as pas le temps, tiens. Jasmine enlève ses chaussures et les passe à Dana. T'en as pas besoin aujourd'hui. Non, je fais rien de crucial, non. Autre chose ? Ma cervelle au max de son potentiel. Là, je peux rien faire pour toi. Dana enlève sa chemise. Dessous, elle a une marque. Non, mais c'est pas vrai qu'après tout ce travail, j'ai failli oublier le truc. C'est quoi, ça ? Où ? Sous ton soutif ? Rien. Elle regarde. Rien. Vous avez fait quoi, exactement ? C'est quoi ? Jasmine vient la regarder de près. On dirait un suçon. Ah ? Fait par un loup. C'était qui ce mec ? Dana va se regarder dans la glace. Tu y crois, coup de foudre ? Putain de merde ! Mais j'ai pas dit que je l'aimais, c'est juste un... Elle regarde la marque. Juste un suçon ? Exactement, alors n'y touche pas ! Dana regarde de nouveau. Il est quelle heure ? Moins 5. Bon, de quoi j'ai l'air ? Ça va. Je devrais peut-être acheter un baume. C'est qu'un suçon ! Je sais. Ne fais pas tout un foie pour un suçon. Je sais que cet homme t'a fait peur. C'est un peu sensible, c'est tout. Tu sais comment ma peau réagit. Ça se trouve, c'était même pas lui. Exactement, si ça se trouve, c'était là hier. Tu vois. Tu as du baume. Achète-en en rentrant. S'il m'a fait quelque chose. Les démons n'existent pas, d'accord ? Il a dit qu'il était un dieu. Les dieux n'existent pas. Dana, tu déconnes ? Un dieu ? Mais tu crois au dieu maintenant ? Son sperme était noir. Mais alors lave-toi, putain ! Ce mec est dégueu. Burke ! Oui. Après mon entretien, de quoi j'ai l'air ? Tu vas les épater. Tu le sais, comme à chaque fois. 4. Dana, pendant l'entretien. Elle est assise sur une chaise, baignée de lumière vive. Les voix de plusieurs examinateurs semblent venir de tout autour d'elle. Mademoiselle Dana Edwards ? Oui. Merci d'être venue, mademoiselle Edwards. De rien. Nous aimerions revenir sur certains aspects de votre candidature, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr. Quand vous dites que vous voudriez mettre sur pied un groupe de recherche, pourriez-vous exposer votre champ d'expertise ? Eh bien, je travaillais pour une entreprise et je tentais toujours d'apporter des améliorations à l'expérience du client. Quand j'ai commencé à lire des choses sur ce qu'on appelle la dynamique du client, qui peut sembler un peu austère, mais qui est en fait une nouvelle théorie passionnante sur les relations client-entreprise, qui redéfinit les échanges d'informations et les transactions en utilisant des modélisations et des techniques psychanalytiques. Comparant la relation client-entreprise à d'autres interactions humaines fondamentales telles que l'amour, pardon, telles que le désir, telles que l'amitié. Je voulais dire l'amitié, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Telles que l'amitié. Et si on appliquait les bons indices à différentes formes d'amitié, désolée, je crois que j'ai perdu le fil, d'amitié, d'attente mutuelle allant dans le même sens. Voilà l'essentiel de ce dont le commerce tente de persuader l'individu, que les besoins sont communs, alors qu'en réalité, ils sont différents, bien sûr, mais... Je voulais dire, comme on trouve dans les économies primitives de troc, nous trouvons les racines de toutes les transactions financières dans... Elle s'arrête à nouveau. Oui, vous permettez que je regarde mes notes. Prenez votre temps. Dana regarde ses notes. Elle les met dans le bon sens. Elle a un peu chaud. Les recherches que j'entreprends tente de préciser chaque interaction humaine dans le même cadre. Vous l'avez déjà dit. Je sais que je l'ai déjà dit. Serait-il possible de baisser la lumière? J'ai les droits dans les yeux. Là. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Mademoiselle Edwards. Nous avons de nombreux candidats à voir aujourd'hui. Vous comprenez, j'imagine. Bien sûr. Elle se sent bête. Elle retourne à ses notes. Elle recommence. Les échanges du client s'opèrent à travers une large gamme de moyens de communication. Et il n'y a aucune distinction dans ces moyens avec d'autres communications que le client serait susceptible de recevoir. Vous pouvez, à la même seconde, recevoir un texto de votre conjoint, puis un autre de votre banque. Pour optimiser le sentiment de mutualité, est-ce que le texto de votre banque devrait sembler plus proche de vous que celui de votre conjoint ? Il s'agit de votre banque présente pour vous écouter. Elle peut avoir un rôle et une saveur. Un caractère, si vous voulez. Il me semble qu'avec la bonne modélisation, la dynamique du client pourrait aller au-delà de la nature transactionnelle de l'échange pour s'intéresser aux émotions, à l'intention et aux souhaits. Si nous envisageons chaque échange comme une chaîne d'événements avec une narration. Je vois que vous écrivez, je me demandais si vous écoutiez toujours. Nous prenons juste quelques notes. Je me demandais si je vous avais ennuyé. Pardon ? Je voulais dire, ça n'a pas l'air, je sais que ça n'a pas l'air. Les autres dehors sont là pour étudier Milton et Dante et Goethe. Ils me racontaient tout un tas de trucs sur la poésie, sur notre compréhension de... Enfin, ils savent en parler, j'ai pas tout compris, mais j'aimerais vraiment que vous baissiez ces lumières, je vois pas bien. Vous avez d'autres questions, Mademoiselle Edwards ? Je voulais pas dire que c'est ennuyeux, hein, seulement par rapport à la poésie. Mais c'est important pour notre compréhension, hein, crucial, et cela pourrait être une telle valeur ajoutée aux ventes d'une entreprise émergente. Merci infiniment, Mademoiselle Edwards. J'aurais peut-être dû commencer par ça, je crois que c'est important. Merci. Et le reste de ma présentation ? Silence. Elle se lève de sa chaise. Ok. Ok, d'accord. Merde. 5. La bibliothèque sur le chemin du retour. Un bibliothécaire, grand échalas au geste très précis, est en train d'empiler des livres sur des étagères. Excusez-moi, je peux vous parler ? Si vous voulez. Je dérangerai personne. C'est une bibliothèque, ne pas faire de bruit. D'accord, mais je peux parler ? Vous pouvez me parler. Vous pouvez pas parler à vos amis. Ah ben ça tombe bien, mes amis sont pas là, que moi. Dana a essayé de faire une blague, c'est un bide. Je cherche un livre sur les démons. Que je vous prévienne, nous allons fermer. Ah, il vaut mieux que je revienne ? Quel genre de démons ? J'en sais trop rien, je me demandais s'il existait des images de démons dans la littérature. Des images dans la littérature ? Des images, pas des images bien sûr, des descriptions. Beaucoup. Alors par quoi allons-nous commencer ? Shakespeare ? Proust ? Milton. Milton ? Il a des choses intéressantes à dire sur les démons ? Des tas. Par quoi voulez-vous commencer ? Dites-moi. Vous voudrez peut-être voir notre spécialiste de Milton qui est là le mercredi ? Je peux vous prendre un rendez-vous ? Ah, je faisais que regarder en fait. Hein. Regarder pour de la littérature sur les démons ? Oui. Vous n'avez pas le temps de regarder, nous allons fermer. Ok, et Dante ? Goethe ? Vous ne pouvez pas dire Dante, Goethe, comme ça ? La littérature, c'est comme l'univers ? Un système solaire, Dante et Goethe sont deux planètes différentes. Vous ne pouvez pas vous éparpiller comme ça, en prenant des noms au hasard. Nous devons commencer par le commencement. Époque, contexte, signification. Vous avez des livres qui pourraient m'aider ? Quelle est votre question précisément ? Ma question précisément ? Oui. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand on en fait chier un ? Un démon ? Oui. C'est une question hypothétique. Hein. Oui, ben je vois bien que c'est une question hypothétique. Je suis bibliothécaire. Oui, bien sûr. Ceci est une bibliothèque, le royaume de la question hypothétique. Exactement. Vous en avez fait chier un hein ? Bien sûr que non. Si. Très drôle. Qu'est-ce qui se passerait ? Un dieu ou un démon ? Les deux, n'importe. Quelque chose de puissant, donc ? Oui. Que vous avez fait chier ? Oui. La foudre frapperait, j'imagine. Dans la littérature ? Dans la littérature. Vous pouvez être un peu plus précis ? Et vous ? Bon, mettons que le démon pense qu'il a une dette envers vous, mais que vous ne l'avez pas laissé payer. Un démon ne s'endetterait pas. Eh bien, mettons que si. Mais comment pourrait-il ? Mettons que dans l'hypothèse où ça serait arrivé. Oui, mais nous sommes bien en train de parler littérature, n'est-ce pas ? Nous prenons nos exemples dans la littérature. Donc, nous n'avons que des exemples que d'autres personnes ont écrits. Ce n'est pas comme un guide de conversation. Ok, je me disais juste qu'il pourrait y avoir des conseils. Ne pensez-vous pas qu'ils sont là dehors ? Que ça pourrait être un patron d'entreprise ? Ou quelqu'un qui vous vole dans la rue ? Ou un père de famille qui maltraite quelqu'un ? C'est pas tout à fait la même chose. Bah, chaque époque doit avoir ses équivalents. Oui, je ne connais vraiment que la littérature et... La bibliothèque va fermer. Exactement. Je demandais juste ce que la littérature disait quand on fait chier quelqu'un comme ça. Dans la littérature, quelqu'un qui se qualifie de démon n'aimera pas avoir de dette. Il fera vraiment en sorte de rien devoir à personne. C'est le point de départ de la vente de l'âme. Diable ou démon, ils sont les premières créatures à utiliser la transaction. Donc s'il était persuadé qu'il vous devait quelque chose ? Il ne vous devrait rien. Il trouverait un moyen de payer. Vous avez l'air très catégorique ? Oh, je connais pas toute la littérature. Je suis surtout spécialiste de lettres classiques. Je comprends. Et une marque ? Est-ce qu'ils peuvent laisser une marque sur vous ? Comme une sorte de reconnaissance de dette ? Comme quoi ? Je parle en théorie. Bien sûr. Parce que nous sommes dans une bibliothèque. Mmh. Et... Si un démon laissait comme une plaie... Sur votre corps ? Oui. Il faudrait que je cherche... Vous pourriez chercher ? Maintenant ? S'il vous plaît. Oui, nous allons fermer. Oh, je pourrais chercher demain matin. Mais c'est mon jour de congé. Alors je pourrais chercher mardi, si vous voulez. D'accord. Mais si un démon me laissait une plaie sur le corps, je n'aimerais pas ça. La marque du diable, ça ne présage rien de bon, hein ? Non ? Je pense pas, non. En théorie ? En théorie, bien sûr. 6. Ok, tu as bien rigolé. Très drôle. Saloperie de démon, je te cause. Tu veux me faire peur. Tu veux t'introduire dans ma tête, que tu crois. Je peux mettre du baume sur ta marque. Si tu m'as collé une infection, je prendrai un médoc. Vas-y, je t'attends. Si tu me jettes tes sorts, je te les renverrai. Je suis invincible. Plus forte que toi, entourée d'un bouclier, une force bien à moi. Je te battrai en brèche. Je te flanquerai par terre, je t'enrubannerai bien serré. Qu'est-ce que t'en dis ? Hé, cauchemar, ruelle sombre, homme armé d'un couteau, douleur infatigable, feu qui gronde, visage d'un enfant qui hurle, faim, peste, maladie. Je n'ai pas peur de toi ! Je n'ai peur de personne et surtout pas de toi. Si tu t'introduis dans ma tête, je t'y laisserai. Si tu t'introduis dans mon corps, je te caresserai. Si tu t'introduis dans mes cheveux, j'en ferai des boucles que je relèverai. Jaron apparaît, assis à une table devant une bière. Tu veux un verre ? Où étais-tu ? J'avais du travail. Je suis revenu, non ? Tu es revenu ici ? J'ai roulé jusqu'au sud, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis revenu. Pourquoi ? On n'avait pas terminé. Ah non ? Non, et je n'ai pas aimé. Il faut en finir avec ça maintenant, et vite. Vite. Je présume que tu as changé d'avis. À quel sujet? Au sujet du chèque. Je l'ai rédigé. Et avant que tu ne poses la question, non, il n'est pas très gros. Ah, ça. Il est de 45 euros. Ce qui est, me semble-t-il, une estimation convenable du temps, prenant en compte le stress que tu m'as causé et le dérangement du fait que j'ai dû revenir. J'ai tout rentré. Compté l'essence, mon temps, les frais d'usure du véhicule. Et 45 euros pour toi, ça couvre tout, me semble-t-il. Vraiment? Si tu veux proposer une autre estimation, nous pouvons entamer une négociation à la fin de cette réunion. C'est une réunion. Je suis prêt à majorer un peu, mais à peine. Et avant que tu ne dises qu'il n'y a pas de dette, il y a une dette. Il y a une putain de grosse dette qui est la seule explication. À quoi? À ce qui m'arrive depuis que je t'ai vu. Cette sensation que j'ai, cette sensation désagréable. Pourquoi je ne contrôle pas mes pensées comme je devrais? Tu n'es rien. Tu es sans importance, tu n'es même pas belle. Tu ne me fais pas rire. Tu as des goûts vestimentaires atroces. Tu as les dents de travers, mauvaise haleine le matin, tu es moche sous certaines lumières, et pas aussi intelligente que tu le crois. Super, au moins c'est clair. Et tu es une femme. Au fond, tu es une femme. Tu es très loin du genre de personne à laquelle je devrais penser. S'il te plaît, prends l'argent et délivre-moi. Je pensais connaître toutes les ruses existantes, mais j'en ai visiblement laissé passer une. Je ne peux pas te délivrer. Je vais te payer pour le faire, d'accord? 45 euros, ce n'est pas pour payer l'autre nuit, mais tes services de délivrance. Et si je peux pas? Trouve un moyen. Tu veux que je t'empêche de m'aimer? Qui a parlé d'amour? C'est la sensation que tu as décrite. Ce n'est pas de l'amour. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Tu m'as rendu obsédé par toi. Ah bon? T'es obsédé? Sale pute, pas la peine de sourire. C'est fini. Tu le sais? Ça me va. Ça pourrait mal aller pour toi. Vas-y, je t'attends. Pourquoi tu n'as pas peur de moi? Parce que tu ne fais pas peur. Tu dis qu'on t'a arraché l'âme. Mais je la sens toujours battre au creux de ma main. Tu prendras mon argent. À la fin. Ah, et tu crois qu'alors tu seras libéré de moi? Alors je t'oublierai, oui. Oui. Peut-être. Il ne sortira rien de bon de tout ça. Tu le sais? On verra. 7. Dana est à la maison. Dana? Dana? Tu parlais toute seule? Ah bon? Comment ça s'est passé? Mal. Vraiment. Vraiment? Ouais, vraiment mal. J'ai merdé, je croyais que j'étais bien préparée, puis merde! Pourquoi j'étais pas mieux préparée? Tu étais bien préparée. Je suis entrée, tout ce que j'avais voulu pourquoi dire... Pourquoi tu fais toujours ça? Ça quoi? Dire que c'était horrible, un vrai désastre, et me faire croire que tu as tout foiré, et puis... Pas cette fois! Arrête, putain, ils ont appelé. Laissez un message, tu les as impressionnés, drôlement impressionnés. Tu as tellement impressionné qu'ils te proposent pour un poste à l'international. Un poste à l'international? Ils veulent que tu ailles parler à leur collègue à Alexandrie. Hein? Une sorte d'équipe interuniversitaire. À Alexandrie? Tu dois les appeler demain matin. Il doit y avoir une erreur. Tu as assuré, grave. Ils ont vraiment dit mon nom et se sont peut-être trompés de candidate. Ils te proposent pour une bourse internationale, bordel de merde. Oublie Berlin. Ils appelleront demain matin pour dire que c'était une erreur. Tu vas arrêter un peu, tu l'as eu. Eh oh! Tu l'as eu au la main et tu pars pour Alexandrie. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Les autres candidats ont dû être vraiment nuls alors, ou abrutis, je te jure que j'ai merdé. Mais arrête! Mais pourquoi t'es en colère contre moi? Mais moi quand je merde vraiment. C'est toute la différence. Toi, quand tu merdes, tu réussis quand même. T'as passé une bonne journée? Pas pire que d'habitude. Dana la regarde. Et tu vas sacrément me manquer si tu déménages à Alexandrie. Je l'ai pas encore, hein? Ils veulent que je parle à ceux d'Alexandrie, c'est tout. Tu l'auras. Pourquoi tu l'aurais pas? Peut-être que j'ai même pas envie. Quand est-ce que je dois y être? Lundi. Ce lundi? Tu ferais bien de commencer ta valise. On devait faire des trucs ensemble ce week-end. C'est pas grave. Visiter des apparts, voir pour un acompte. Il y en a plein des week-ends. Pas si je vais à Alexandrie. Je peux m'occuper pendant 48 heures, t'en fais pas. T'es sûr? Je suis pas complètement nulle, j'ai du travail. J'ai fermé le frigo à clé. J'en ai fini avec ça, arrête, j'en ai fini avec ça. Je peux pas être à Alexandrie pour lundi. Et bien sûr que si. Et si tu venais aussi? Moi, j'ai tellement de trucs en retard. Emporte-les avec toi. Prends-toi quelques jours, on pourrait prendre le train, voir un peu la côte. Quelle côte? Moi, je sais pas, peut-être l'Adriatique, prendre un bateau. Pourquoi on irait voir l'Adriatique? Bah, histoire que ça ressemble plus à un voyage. On a toujours dit qu'on avait envie de voir plus d'Europe, la mer. Je cherchais juste comment rendre ça plus... Quoi? Plus sympa. En faisant un détour de 1500 bornes? Bah, c'est pas par là que commence l'aventure. C'est un connard, tu le sais. Qui ça? Le type avec qui tu étais. Tous les hommes sont des connards, mais lui, c'est un représentant top niveau de l'espèce. Même Jérôme a dit que c'était un connard, c'est dire. Je parlais pas de lui, hein. Tu m'as dit qu'il se dirigeait vers l'Adriatique. Ah bon? En plus, c'est un escroc. Franchement, il est super dangereux. Je suis allée au bar ce matin, il a pas payé toutes ses consos, il a essayé d'entuber la serveuse, il a laissé un numéro de carte de crédit qui marchait pas. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que je crois que tu penses toujours à lui. N'importe quoi. Même s'il était sur la côte Adriatique, c'est pas une adresse, il doit y avoir des milliards de gens là-bas. C'est donc pas pour ça que tu voulais aller là-bas? Pas du tout. Il paraît que c'est magnifique, l'Adriatique, et... C'était qu'une passade. Pas mal pour une nuit, mais sans intérêt à la froide lumière du jour, et je ne veux pas le revoir. Je ne peux pas le revoir. Comment pourrais-je le revoir? Merci de m'avoir ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'hommes comme lui, hein? Je devrais peut-être venir avec toi. T'es pas obligé. Quelques jours de break. Tu vas t'ennuyer, hein. Pour te tenir compagnie. Il y a des milliards de gens sur la côte Adriatique, et comment veux-tu que je le retrouve? C'est pas ça qui va t'arrêter, il travaille pour l'ONU, c'est une piste. Ça ira, je te dis. Je sais, mais comme tu dis, ça fait une éternité que j'ai pas voyagé. Sans blague. Tu penses être la seule à pouvoir agir sur un coup de tête? On n'a qu'une valise, hein. On peut partager, on partage tout le reste. C'est un peu précipité. Pas ton genre. Jasmine va chercher la valise, elle la pose devant Dana. Je suis pas obligée de prendre un poste à des milliers de kilomètres. Tu pourrais en avoir envie. J'irai juste voir. Tu ne peux pas vivre avec ta sœur pour l'éternité. Même moi, je sais ça. C'est une phase qui se terminera un jour. J'aime bien vivre avec toi. Je suis un boulet. Pas du tout. D'accord, c'est toi le boulet alors. Va te faire foutre. Je saurais me débrouiller, tu sais, sans toi. Mais bien sûr. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde pas comme ça. Je suis pas un cassos. Peut-être après la mort de papa et maman, mais... Je sais ce qu'il y a. Comment tu peux savoir? J'ai deviné. Tu as deviné? Dis-moi que je me trompe. Bah si tu as deviné, pourquoi t'as rien dit? J'attendais que tu dises quelque chose. Et si j'avais rien dit? Il aurait bien fallu un jour. Ça se voit? Seulement sur ta tête, hein. Ça se voit sur ma tête? Un peu. Bon, d'accord. C'est toi la maligne. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule. Tu vas faire ton sac et m'accompagner à Alexandrie et on aura tout le voyage en train pour y réfléchir. Je croyais que tu serais en colère, je croyais que tu allais taper du pied en demandant comment j'avais pu être aussi débile. Je suis censée être adulte. Comment t'as pu être aussi débile? Je sais pas. Pas la moindre idée. Enfin, j'ai une petite idée, mais dans les détails, non, j'en sais foutre rien. Bah, le foutre a su, hein. Oui, bon, le foutre a su. C'était Jérôme? J'ai pas envie de parler de qui c'était. Jérôme, donc. Dana. Fais ton sac. T'es sûre? Deux femmes et un bébé à naître en partance pour Alexandrie. Que rêver de mieux? Mais je veux pas faire dans le gros mélo. Tu me promets que c'est pas genre la pauvre Jasmine? Non, c'est genre la pauvre Dana qui doit te supporter. Le dégueulis. Non, les sautes d'humeur, ça me donne de la force. 8. Dana est de retour à la bibliothèque. Le bibliothécaire est là. Je me demandais si vous aviez ces livres que j'ai commandés. Nous ne sommes pas tout à fait ouverts. Il est 9h. Pas à ma montre. Il est moins une. J'ai un train à prendre. C'est une bibliothèque municipale, nous devons nous conformer aux règles municipales. C'est-à-dire? À l'heure réglementaire. Il est 9h à ma montre. C'est ma montre qui compte et l'horloge au mur, l'horloge de la bibliothèque. Très bien, mais je pourrais peut-être vous parler... 51, 52, vous voyez la trotteuse? Je ne veux pas manquer mon train. 57, 58, 59. Je peux vous aider? Je suis déjà venue. Ah oui, à propos de la marque. Pas que de la marque. Le démon, je me souviens de vous. Alors, vous avez commandé tous les livres de tout le catalogue de la ville sur les diables. Et les marques transmises sexuellement, l'existence du sida en enfer. Ils ne sont pas encore arrivés, désolé. Hein? Vous avez paralysé le système, ça va prendre un jour ou deux. Je ne peux pas attendre un jour ou deux. Alors la prochaine fois, ne commandez qu'un livre, pas 900. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Il y a une chose. Oui? Il semblerait que nous ayons un trop-perçu de votre part. Une petite annotation dans votre dossier. C'est pas possible. Vous avez eu quelques amendes il y a un an ou deux. Il est noté ici que vous les avez payées, mais il semble que nous vous devions quelque chose, un remboursement. Remboursement? Et je suis jamais venue dans cette bibliothèque. C'est noté ici. Ça doit être une erreur. 45 euros, c'est le chiffre qui apparaît. Alors, je peux vous payer maintenant si vous voulez. Ah, je vois. Je pourrais faire un chèque ou vous donner des espèces. Je savais que c'était toi. Je vous demande pardon. Bien sûr que t'allais réessayer, mais j'aurais dû m'en douter. Mais range ça, je t'ai dit, je le prendrai pas. D'accord. Nous pourrions faire un virement bancaire. Mais je sais que c'est un test. Hein. Tu peux me tester tant que tu veux. Ça prendra pas un trop perçu pour des amendes de bibliothèque inexistantes. Hein. Mais il va falloir que tu trouves mieux. Hein. Excusez-moi. Je suis pas idiote. Hein. Je te vois venir avec tes ruses, diable. Eh, écoutez, madame. Bossu à foutre noir. Voilà. Attendez une minute. Cicatrice sur la poitrine, là où on t'a arraché l'âme. Dana, ouais. Le pouce. J'aimerais mieux que vous ne fassiez pas ça. Arrête immédiatement. Arrête de faire semblant. Elle l'empoigne. Ah, voulez-vous bien me lâcher? Pas avant que tu admettes que c'est toi. Admettre que je suis qui? Ils se battent, elle déchire sa chemise, il tombe à la renverse sur le sol de la bibliothèque. Pas de cicatrice? Mais vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas lui? Mais qui? Le démon? Oh, désolée. Vous avez cru que j'étais le démon? Je vous ai confondu. Mais j'essayais vraiment de vous aider. J'essayais d'être gentil, la municipalité ne fait pas souvent de remboursement. Vous devriez être contente. Il se relève. La folie. Le premier symptôme de la possession. Je ne suis pas folle. Oui, on croit qu'on a une marque. J'ai une marque. C'est dans votre tête. Et ça, c'est quoi? Elle soulève son t-shirt. C'est tout? Oui. On dirait une piqûre de moustique. Ça fait mal. Dana baisse son t-shirt. Ça fait vraiment mal. Et ça grossit. Alors, je suggère un baume. Super. Un baume antiseptique. Ah bah j'aurais pu y penser toute seule, ça me rend vraiment service. Eh bien, je suis là pour rendre service. Dana commence à partir. Vous savez, j'ai baisé avec un démon un jour. Pardon? N'allez pas croire que vous êtes la seule à avoir suivi ce chemin tout à la fois difficile et splendide. Fâcheux et délicieux. Oh, c'était il y a des lustres, mais je m'en souviens bien. Allez, filez, filez. Vous avez un train à prendre. 9. Dana et Jasmine sont dans le train. Non, mais pour moi, c'est un principe général. On devrait pas laisser les gens nous donner de l'argent. Même la municipalité. À moins qu'on le veuille. À moins qu'on l'ait demandé. Je l'avais pas demandé, en fait. J'avais dit expressément. C'est un principe général. Nous ne savons pas qui il est. Il se dit bibliothécaire. Il travaille dans une bibliothèque et alors, ça aurait pu être n'importe qui. Bah, on sait qui il n'est pas. Les hommes en particulier. On ne devrait pas accepter d'argent des hommes. Et fais attention, Jasmine. Ne laisse personne te fourrer de l'argent dans la main en disant que c'est pour moi. On dirait que tu es en guerre. Je suis en guerre. Contre quoi? Tu sais que les démons n'existent pas, hein? Oui. Ravi que ce soit bien clair. Mais s'ils existaient, ça serait tout à fait son genre de changer d'apparence pour devenir quelqu'un d'autre. Tu as dit que c'était un escroc. C'est pas possible. Je peux pas partir en voyage avec toi si t'es en train de devenir folle. C'est moi qui ai les hormones qui se bousculent. S'il y en a une qui a le droit de devenir folle, c'est moi. Deviens folle, alors. Je suis devenue folle, je suis venue avec toi. Ah, tu peux encore rire. Paraît qu'il y a un bar sympa sur la place principale et on a une heure d'attente à la gare de Budapest. Super. On va se prendre une bonne bouteille de pinard. Tu ne devrais pas boire. J'ai toujours rien décidé. On va acheter une bouteille et je vais me retrouver à la boire toute seule. Et? J'ai une présentation à faire lundi. Il faut que je sois au top. Toi, tu vas finir professeur. Hein. Tu vas faire partie de ces gens super intelligents qui ont écrit un tas de bouquins. Mais je gagnerai toujours pas autant que toi. Je gagne pas beaucoup. Je gagne normalement. Arrive le contrôleur du train. Il y a un problème avec votre carte, en fait. Quel genre de problème? La carte que vous avez utilisée pour acheter les billets, la banque l'a refusée. C'est impossible. Vous devrez descendre au prochain arrêt ou repayer. Vous êtes sérieux? C'est le règlement, je suis désolé. Bah, attendez, vous pourriez réessayer la carte. Si elle a déjà été refusée... Bah, des fois, les lignes téléphoniques s'en mêlent, essayez de nouveau. Le contrôleur prend la carte de Dana. La machine n'a pas l'air d'apprécier. Tu fais le bon code? Ils sont pas débiles. Dana fait son code, ça ne marche pas. Elle retire la carte, elle l'agite en l'air, elle la remet. Essayez la mienne. Jasmine sort sa carte. Merci. Le contrôleur met la carte, il tend la machine à Jasmine. Jasmine fait son code. La carte ressort. Ça devient ridicule, là. Ouais, c'est sûrement votre machine. Ce n'est pas grave, vous pouvez descendre au prochain arrêt pour appeler votre banque. On ne peut pas descendre au prochain arrêt. On essaie d'aller à Athènes et ensuite à Alexandrie. Vous voyagez sans billet, c'est une infraction, je suis désolé. Tu as combien en liquide? On pourrait peut-être prendre des allées simples. Hein. J'ai pas beaucoup de liquide sur moi. 2 allées simples pour Budapest, 90 euros. Tu as combien, Jasmine? Je regarde, 16, 18... J'ai encore un billet de 10. 36, je pensais pas qu'on en aurait besoin. C'est pas assez? Y a quelqu'un qu'on pourrait appeler? Quelquefois, il y a des promotions, regardez ce que vous pouvez faire. Jasmine regarde à nouveau dans son porte-monnaie. Peut-être que... Oui, encore un billet de 5, 41. Si vous pouvez arriver à 45, vous pourriez avoir une offre 2 pour le prix d'un. Super, encore 3. Quelle offre 2 pour le prix d'un? En théorie, ce n'est pas officiel avant la fin du mois prochain, mais je peux faire une petite entorse au règlement. Vous nous donneriez un billet gratuit. Ce ne sont que des allées simples et vous devrez vous débrouiller quand vous changerez à Budapest. Mais... Désolé, on ne peut pas les prendre. Hein? On ne prend pas sa fausse promotion, là. Je sais ce que c'est. Dana, putain, t'es folle alliée, tu sais ça. Je t'ai dit, on ne prend pas d'argent. Mais c'est pas de l'argent. C'est 45 euros. Mais c'est pas vraiment du liquide. Vous le voulez, oui ou non? Non. Oui. Désolé, je ne peux pas faire ça. Tu fais ce que tu veux, je prends pas son argent. C'est pas son argent. Eh bien, continue. Je descends, je vois avec la banque et je te rejoins à Budapest. Quoi, tu me laisserais toute seule? C'est une ville, tu seras en sécurité dans une ville, hein. Pas de frigo. Va te faire foutre. Je vais devoir vous demander de descendre du train ou alors je devrais appeler la police pour vous faire sortir. Très bien, j'ai compris. Dana, je suis vraiment désolée. Bon, il faut que je m'occupe du reste du train. Vous pouvez me donner un aller pour Budapest, s'il vous plaît? Tu me laisserais toute seule. T'es devenue folle, oui. Le contrôleur donne un billet à Jasmine. Le contrôleur s'en va. Dana et Jasmine se regardent. Jasmine agite son billet. C'est quoi le prochain arrêt d'ailleurs? Arten-Arten. Arten-Arten, ça existe? C'est la vie, Dana. Pourquoi est-ce que la tienne doit être si compliquée, si théâtrale, merde? Tout ça, c'est une conspiration, une voie du destin pour te mettre au centre de l'univers. Nos cartes ont été refusées. Et alors? Tu comprends pas? Non, je comprends pas. Je te retrouve à Budapest alors ou pas? Ne regarde pas comme ça. Tu as utilisé un préservatif? Bien sûr. Pour tous les trous? En douille. L'MST, ça rend pas folle. Ah bah alors tu reconnais que t'es folle. C'est quoi du sperme noir d'ailleurs? Un truc de sang? Je sais pas. T'as vraiment vu son sperme ou c'est lui qui t'a dit? On a besoin d'en parler aussi fort. Il y a déjà tout le monde qui regarde. Il en est où le suçon? Tu veux un mégaphone? C'est devenu un furoncle qui a éclaté avec du pus jaune. Tu déconnes? Je déconne. Bien sûr que non. Oh bah excuse-moi d'en parler, tu as baisé avec un mec à sperme noir que tu crois être un diable. Ça a bien grossi, j'ai mis du baume. Tant mieux si tu vois l'humour là-dedans. Voilà la gare au fait, ton arrêt. Hein? Arten-Arten. C'est où ça d'ailleurs? C'est là. Ok. À ce soir alors. À la gare de Budapest. À quelle heure? Dès que je peux. Je t'appelle, je prendrai le prochain train. Dana empoigne la valise. Qui prend la valise? Arrête tes conneries, tu sais bien que je vais venir avec toi. Tu me rends dingue, tu sais ça? 10. Dana fait une partie de sa présentation. Je voulais prendre un exemple récent. Les transactions clients. Je vais intituler ce paragraphe de ma présentation « Comment rester poli quand quelque chose ne se passe pas bien ?» J'étais l'autre jour dans un train et ma carte ne marchait pas. La situation habituelle, c'est que, dans l'esprit du contrôleur, le client passe rapidement du collaborateur potentiel, positif, d'une entreprise partagée de paiement afin de vivre l'expérience d'un voyage agréable, comme annoncé, à une espèce de criminel désireux d'escroquer la compagnie. Alors que, dans l'esprit du client, il est toujours en train d'essayer de payer. Mais dans ce cas-là, cette interaction-là, les règles ont semblé se modifier. Le bibliothécaire lui tape sur l'épaule. J'ai les livres que vous avez commandés. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis à Arten-Arten pour le week-end. Je travaille à Arten-Arten tous les week-ends. Nous avons une bonne bibliothèque et comme vous le voyez, elle est ouverte. Je ne savais pas qu'il y avait une bibliothèque. C'est vous qui êtes venu. Vous avez poussé la porte. Tout ferme à 17h à Arten-Arten, mais nous sommes ouverts à peu près tout le temps. Vous vivez à Berlin? Je vous ai vu à Berlin pas plus tard que ce matin. C'est mon autre travail, on va dire. Et, oh, regardez, certains de vos livres sont sur ces étagères, alors autant... Vous me les... suivez? Pourquoi voulez-vous que je vous suive? Écoutez, arrêtez de critiquer. Hein? J'essaie de vous aider, la dernière fois, ça m'a presque valu d'être laminé pour ça. Heureusement que je suis résistant. Et toujours à votre service. En vrai bibliothécaire, jusqu'au bout. Bon, maintenant, si vous voulez pas de ces livres, je peux vous les remettre sur les étagères et puis vous pouvez remplir une petite fiche jaune de réservation. Ok, je les prends. Mmh. Le bibliothécaire donne quelques livres à Dana. Tout d'abord, un guide de Arten-Arten. Je n'ai pas demandé ça. Bah, peut-être, mais enfin, j'en ai rajouté quelques-uns. Croyez-moi, vous en aurez besoin. Les illustrations sont très bien, même si elles portent à conclure qu'il faut pas rester ici trop longtemps. C'est aussi mon avis, enfin, bon, pour ce qu'il vaut. Alors, prenez un train de grande ligne dès que possible. Ma deuxième suggestion, C'est un guide pratique, c'est toujours très bien, on peut pas se tromper avec un guide pratique. Celui-ci, Comment vivre sans argent, paru il y a quelques années, mais on va toujours un classique. En trois. Comment ça, sans argent? Enfin, sans beaucoup d'argent, on va dire. Nous avons plein d'argent. Écoutez, vous voulez ce livre, oui, non? Nous avons plein d'argent sur notre compte en banque, il nous faut juste une banque. En trois, comment survivre à une catastrophe économique un peu dépassée, maman? Oh, si vous pouviez juste me dire où se trouve la banque. Quatrième guide, comment trouver une banque quand elles ont toutes fermé? Pourquoi elles ont fermé? Vous lisez les journaux? Vous regardez les nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était dans les astres depuis un moment. En prenant la peine de lire « La réalité économique dans l'Europe post-euro » de Jefferson, vous auriez tout prédit. Ou bien « Comment les économistes du début du XXIe siècle se sont tous trompés » de Fresherman. Les banques ont fermé leurs portes. Effondrement interne, les unes après les autres. Exactement comme avant, sauf qu'elles l'ont refait. Elles allaient bien hier. Elle vacillait hier, elle n'allait pas bien hier. Si on lisait entre les lignes le détail de ce qui se passait. Bon, vous voulez ces livres, oui ou non? Dana prend les livres. Ne me remerciez pas. Merci. Elle regarde les livres, il y en a beaucoup. Est-ce que la banque sera ouverte demain? Peu probable. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Bon, alors? Il y a un hôtel où nous pourrions passer la nuit? En sortant de la bibliothèque, tournez à gauche, rue de la Métropole, sûrement dans la liste des endroits à éviter à tout prix dans le guide, mais bon, il n'y en a pas d'autres. Hé, ne mangez pas le petit déjeuner. Dormez avec la lumière allumée. Et n'utilisez pas les sanitaires, à moins d'avoir du désinfectant sur vous. Pourquoi vous vous occupez de moi? Je m'occupe pas de vous, je m'occupe de moi. Où est-ce que je me dirige? Ne demandez pas. 11. L'hôtel d'Artenarten. Dana et Jasmine sont dans leur chambre avec leurs valises. Je savais qu'on aurait dû prendre l'avion. Oh, c'est pas si mal. C'est pas terrible. Il fait un peu froid. Il gèle, putain. Une nuit? Oui, une nuit. Il fait tellement froid que je sens mes os. Il doit y avoir du chauffage. Les fenêtres ne ferment même pas. On les bouchera avec des fringues. C'est que pour une nuit. Je sais. Je reconnais que c'est pas terrible. C'est un radiateur, ça? C'était... Assieds-toi, je vais mettre la bouilloire en route. Tu sais bien que le froid ne me réussit pas. Ça va aller. Il y a froid et froid. Et si on se réveille congelé? Bah, tu as le bébé pour te tenir chaud. Pauvre petite chose couverte de glace. Tu devrais peut-être rester avec la valise pendant que je vais chercher la banque. Tu viens de chercher une banque. Il doit bien en avoir une autre. D'accord, il y en a une qui a fermé, mais il doit y en avoir une autre. Elles sont toutes connectées. Je vis dans la vraie vie, Dana. Elles ont fermé, elles ont fermé. Je croyais que ça devait plus arriver. Un thé? Oui, je veux bien. Ça va te réchauffer. Oh merde, la bouilloire marche pas. Merde! On peut pas perdre tout son argent du jour au lendemain, si? Non, j'imagine. Il y a une réglementation pour ce genre de choses. Quand les banques ferment, les gens s'en sortent, non? Oui, du moins dans le passé. Exactement, tout le monde s'en est sorti la dernière fois, non? Les pays étaient foutus, mais les gens s'en sortaient. J'imagine. Alors on va s'en sortir. Il faut que je sois à Alexandrie lundi. Alors, il y a des choses importantes comme est-ce qu'on se retrouve ruiné, et puis il y a des choses anodines comme est-ce qu'on va pouvoir arriver à Alexandrie lundi. C'est pas une chose anodine, hein? Non, mais c'est pas comme de perdre toutes ses économies. Tu as ta voiture? Oui, si on peut rentrer à la maison, j'ai la voiture. Il faut que j'aille à Alexandrie. Sans cette bourse. Tu arriveras à Alexandrie. On a quoi, 48 heures? On peut y aller à pied s'il faut. Pas vraiment. C'est un contretemps, oui. On est momentanément interrompu. Tu crois vraiment qu'on va arriver à dormir ici? Je voudrais pas faire la difficile, mais... Oh putain de merde! C'est une ambassade qu'il nous faut. On est européenne. On ira à l'ambassade demain et on leur racontera ce qui s'est passé, d'accord? Ça arrive, ce genre d'histoire, tout le temps. Personne ne perd vraiment de l'argent. Ils règlent ça. Et en attendant? Y a pas de en attendant. Ça va se régler. C'est un peu la merde d'être obligé de rester ici cette nuit. Mais bon, au fond... Qu'est-ce qu'on va manger? Hein? T'as pas faim? On n'a rien mangé depuis midi. Hein. Tu as besoin de toujours voir que les problèmes? Il faut qu'on mange quelque chose, non? Tu es enceinte? Et on va manger quelque chose. Tu as dépensé tous nos euros pour ce foutu billet, on n'a même pas payé la chambre. Quand on ira à l'ambassade, on expliquera qu'on a besoin d'un peu de liquide pour nous dépanner. On sera pas les seuls dans cette galère, je te dis. Il n'y a pas d'ambassade. Il y en aura une dans la ville d'après. Bon, ça fait du chemin. On appellera d'abord pour prendre rendez-vous et quand on arrivera, ils nous donneront un chéquier provisoire ou, je sais pas, un peu d'argent. On pourra griller la queue grâce au bébé. Ah, j'ai le pain du déjeuner. Ben voilà, tout va bien. Demain, c'est samedi. L'ambassade ne sera pas ouverte un samedi. Et le lendemain, c'est dimanche. On ira lundi ? Il faut que je sois à Alexandrie lundi. Bah, peut-être qu'en cas d'urgence, ils ouvriront l'ambassade même un samedi. C'est un cas d'urgence, tu crois pas ? Toutes les grandes banques d'Europe qui mettent la clé sous la porte d'un coup, il y aura un numéro, un bulletin d'information. Il doit y avoir quelqu'un en train d'imprimer des bulletins d'information et les distribuer à tous les hôtels. Ok. Même à Arton Arton. Les bulletins d'information passeront. T'as autre chose à manger, en dehors du pain ? Pour demain ? Pas spécialement pour demain, pour savoir. J'ai un peu faim maintenant. Ça, c'est la panique. Pas paniquer dans ce genre de situation. Et si on a très faim au milieu de la nuit et qu'on a envie de tout manger ? J'en ai fini avec ça, je t'ai dit. Tu es enceinte ? Tout peut arriver. Ne défends pas ça, genre c'est moi qui nous fous dans la merde. Hein. C'est bon, du calme. Si une de nous se réveille cette nuit et mange tout, ça sera un peu chiant, mais pas une catastrophe non plus parce qu'on est bien nourri et que même une femme enceinte peut aller jusqu'à l'ambassade de la prochaine ville sans avoir petit déjeuner. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas grand-chose, de bananes, je crois. Des pilules du lendemain, du chocolat. Bah voilà, un vrai trésor. Je parie que tu pourrais vivre de chocolat pendant une semaine si tu devais. Dana sort le chocolat. Pourquoi tu es si calme ? Parce qu'on vit en Europe. Parce qu'il ne s'y passe rien de grave. On a toutes les deux du boulot. Le pire du pire, c'est quoi ? Quelques inconvénients et un petit break pas si cool que ça, mais franchement, dans l'ensemble, pas si moche. Mon téléphone a presque plus de batterie. Bah recharge-le. J'ai oublié le chargeur. Hein ? On a fait les bagages en vitesse. Et si on avait eu la semaine pour faire des listes et penser à ce dont on pourrait avoir besoin, c'est toi qui penses aux trucs comme les chargeurs d'habitude. Bah, d'accord, quand on aura réglé les choses, on achètera un chargeur. Super. On a plein d'argent après tout. Tout notre héritage, plus nos économies. C'est une situation temporaire. C'est toi qui t'y connais en relation client, il y aura un numéro d'appel, non ? Probablement. Des dispositions de la banque pour arranger tout ça. Si la banque a fait faillite, ça pourra pas être la banque. D'accord, qui que ce soit, dont c'est le boulot. Ils vont arranger ça. Ce putain de démon. Je suis crevée, s'il te plaît. On a voyagé toute la journée. C'est moi qui te fatigue. C'est ça qui me fatigue. Je suis fatiguée en général. Mais oui, tu me fatigues aussi. Ça t'embête pas si je dors ? Je suis désolée. T'es pas fatiguée ? Je sais que les lits sont pourris et la chambre glaciale, mais... Je suis pas enceinte. La chance. Jasmine commence à s'endormir. Dana reste debout. Elle baisse la lumière. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi. Je suis désolée. Mais non, c'est une super aventure. On en rira un jour. Très drôle. Je te jure. Quand le bébé sera né, on lui racontera le trou tout pourri où on a atterri en allant à Alexandrie. Quand le bébé sera né ? Oui, juste avant que tu décroches le plus fantastique des postes. Et juste avant que toi et le bébé veniez vivre avec moi à Alexandrie. Et juste avant qu'on se prenne un appart vraiment sympa parce que tu seras devenu professeur. Et on dira au bébé que la vie était plutôt cool, mais qu'on avait quand même dû se farcir une nuit dans un frigo. Il rira et demandera comment on fait pour vivre dans un frigo, c'est si petit un frigo. Bon bah ok, on dira pas littéralement un frigo, mais une chambre si froide qu'on voyait la glace se former. Pff, t'aurais dû faire poète. Va te faire foutre, je dors. Ça a l'air sympa au fait hein. Quoi ? De causer à ton bébé. Quand il sera né. Bonne nuit. Bonne nuit. Dana regarde autour d'elle. Elle ouvre son chemisier et regarde son suçon. Elle le touche. Il fait mal maintenant, sur toute sa poitrine. Elle se retourne, sur tout le dos aussi. Elle l'attaque à la brosse à récurer. 12. Dana est dans la baignoire. L'eau est froide, mais elle ne le remarque pas. Le démon est avec elle dans la baignoire. Il est assis derrière elle et lui frotte le dos. Tiens, tiens. Ce qui veut dire ? Je savais que tu resterais pas absent. Tu m'imagines ? Mais oui. Je ne suis qu'une version dans ta tête. Ça me va. Une drôle de version, d'ailleurs. Pas vraiment moi à pleine puissance. Jamais je ne prendrai un bain avec une fille. Il sort de la baignoire et commence à se sécher avec une serviette. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne veux rien. Alors pourquoi suis-je ici ? C'est toi qui t'as amené. Dans tes rêves. Bon, d'accord. Je veux savoir pourquoi tu fais ça. Je sais ce que tu essaies de faire, mais je veux que tu le dises. Tu crois que c'est moi qui ai fait ça ? Non. Que dit ta sœur ? Elle t'a pas rencontré. Mais prends-le, putain. Et ce que feraient les banques n'aurait plus d'importance. Tu pourrais aller là où tu dois aller. On en a déjà parlé. Un bon panier garni de 45 € de bouffe. Non, merci. Pense à ta sœur enceinte, quand même. Ce pauvre petit bébé... Ma sœur n'a rien à voir là-dedans. Et toute gelée. Et un radiateur? Ou une bouillotte pour mettre à ses pieds? C'est entre toi et moi. Tu la laisses en dehors de ça. Je suis un démon. Je suis sans moralité, sans limite. Je peux avancer de côté, vers le haut, vers le bas. Je peux punir ton arrière-petite-fille pour ça ou ta trisaïeule. C'est un peu con, tu trouves pas? Par principe? Par fierté? Pour ton ego, pour te mettre en avant? Tu peux me dire ton prix. Si de beaux billets tout neufs ne te font pas d'effet, deux allers-retours pour Alexandrie. On arrivera à Alexandrie. Tu as besoin de ce boulot. Berlin est en train de s'effondrer, l'Europe est dans la merde. L'Europe va se ressaisir. On verra. Tu vas me tuer? Je ne fais rien. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour la température. Tu n'as pas froid? Ça, sur mon cou. Eh bien, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Pourquoi ça s'étend? Il hausse les épaules. Tu devrais peut-être voir un médecin. Tu l'as mis là pour que je sois obligée de revenir vers toi? Pour que je vienne te trouver? Flash info, je m'en fous. Que tu dis? Je me fiche complètement de toi. Si ce n'était pas le cas avant, maintenant si. Alors pourquoi es-tu là? Je ne suis pas là. Il se regarde. Il hausse les épaules et la regarde à nouveau. Je ne suis pas là. Mais il n'arrive pas à détourner le regard. Ils se regardent fixement. Ils sont presque irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Puis l'instant passe, de la musique se met à jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? La chambre d'à côté. Tu ne peux pas l'arrêter? M'étonnerait. Et tu peux pas appeler en bas pour qu'il les fasse taire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la musique. De la musique, putain. Qu'est-ce qui ne va pas avec la musique? Je n'aime pas ça. Ça me prend la tête. Tu es à côté du téléphone, hein? Très bien. Il prend le téléphone. Elle vient s'asseoir près de lui, tout contre son dos. Il arque le dos à son contact. Ne fais pas ça. C'est dans ma tête, je fais rien. Elle se tourne et l'entoure de son bras. Il est attiré vers elle. J'ai dit arrête. Toi, arrête. Toi d'abord. Il ne peut pas résister. Il se tourne et la saisit. On ne sait pas s'il la tient dans ses bras ou s'il lui fait mal. Ils se battent un instant. Ils roulent, ils s'embrassent. Pendant une ou deux secondes, quelque chose d'irrépressible. Puis il se détache d'elle. Tu ne peux pas avoir ça! Tu ne peux pas avoir cette version de moi! Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça que je suis! Putain, tu joues avec ma tête, là! Il s'avère que je suis plus forte que toi! Désolé, c'est faux! Il la gifle. Elle se tire le visage. Il la gifle à nouveau. Elle le gifle. Il la saisit à nouveau. Elle le saisit. Il la regarde. Il essaie de regarder au tréfonds de son âme. Il la jette à terre. Je m'en vais. Tu ne me reverras plus. Alors on peut revenir à la normale? On peut utiliser notre carte bancaire? Les banques n'ont rien à voir avec moi. Je te l'ai dit. Mon cul. Adieu, Dana. Ça m'étonnerait que ce soit adieu. Tu vas être très isolée, tu le sais? Ça va devenir très difficile maintenant. Tu crois que tu es bien protégée? Mais c'est du papier à cigarette. On ne sent pas déjà les courants d'air? Quelqu'un va nous aider. Tu crois ça? Du moment qu'il y a des gens, il y a une influence civilisatrice. Je continuerai à te chercher. Fais donc. C'est pas fini entre toi et moi, hein? Il mange du chocolat. Ne mange pas le chocolat. Il en mange un autre morceau. On n'a que ça pour demain. Tu as dit, vas-y, je t'attends. Ne le mange pas! Il rit à nouveau. Il mange encore du chocolat. Et le pain. Ne touche pas au pain. Tu devras lui dire que c'était toi. Laisse-lui quelque chose. Il se fourre tout dans la bouche. Pourquoi devrais-je? Je suis un dieu, je t'ai dit. Je suis l'impur, le damné, je suis le cauchemar. Où es-tu? Où te trouverai-je? Il hausse les épaules. Je travaille pour l'ONU. 13. Dana a trop chaud dans son lit. Le bibliothécaire lui donne des livres. Il s'évante. Comment parvenir au sommeil dans une chambre devenue trop chaude? Comment baisser le système de chauffage dans une chambre sans air conditionné? C'est un classique, celui-là. Comment parvenir au sommeil en dépit d'une chaleur extrême? Très utile, mais le dos est un peu usé. Tiens, je pourrais regarder s'il en existe un autre exemplaire. Vous avez vérifié si les fenêtres ouvraient? Ou peut-être celui-ci? Comment rêver lorsque l'on n'est pas sûr d'être endormi? Comment rester tranquillement endormi, même en ayant la sensation d'être dans un four, un peu démodé? Mais vous pourriez essayer. Comment ne pas prêter attention à la sueur dégoulinant du visage, aux yeux secs? Ils sont vraiment géniaux, ces guides. Ils ont des titres, mais pour pratiquement tout. Comment être étendu, éveillé sans respirer l'air? Oui, Jasmine. Comment se laver quasi sans eau? C'est pas vraiment recommandé, mais enfin, on sait jamais. Jasmine? Comment s'habiller pour une randonnée de 15 jours? Alors, comment se faire une gourde d'une vieille paire de chaussettes? On fait un peu bizarre. Où est Jasmine? Comment retrouver sa sœur? Ah, bah attendez une petite minute, il y en avait un exactement comme ça. Comment retrouver sa sœur quand elle est au désespoir? Pourquoi est-elle au désespoir? D'accord, elle avait plus à bouffer, mais pourquoi est-elle au désespoir? Ça ne le dit pas. C'était juste le titre d'un livre. Vous le voulez ou pas? Je ne peux pas porter tous ces livres. Mais tout va bien, c'est pour ça que vous m'avez... Je les porte pour vous. Pourquoi Jasmine est-elle au désespoir? Je n'ai pas de titre pour ça. Désolé. 14. Dehors, Jasmine est assise sur un banc. Dana vient s'asseoir à côté d'elle. Tu aurais pu me laisser un mot? Tu aurais pu laisser quelque chose pour me dire où tu allais. Je t'inquiète. Il faisait tellement chaud dans la chambre. Je me suis réveillée, plus trace de toi. Je suis descendue pour voir pour la chaleur. Personne à la réception. Je suis sortie, rien. Retournée à la chambre, inquiète. J'ai vérifié dans les toilettes. Mais je sais que tu es furieuse. Tu as le droit, mais tu n'avais pas besoin de me faire peur. Crie, hurle, je sais pas. Je sais qu'on avait que ça à bouffer, que je t'ai emmerdé pendant des années parce que t'étais pas capable de te contrôler. Je sais pas ce qui m'a pris. Pas sûr que j'étais vraiment réveillée. Ne sois pas désespérée comme ça, on rachètera de la bouffe, on trouvera l'ambassade. Je suis pas en colère. Tu dois avoir faim, je sais bien que tu as un petit être là-dedans. Je saigne. Quoi? J'ai du sang plein le pantalon. Merde, depuis quand? Ça a commencé il y a quelques heures. Il n'y avait vraiment pas d'air dans la chambre. Je me suis assise dans le lit. J'ai senti quelque chose de frais. J'ai mis la main. Oh la vache! Mon sang était plus frais que la pièce, en fait. Je me suis dit, c'est quoi ce truc frais sur mes cuisses? Oh putain! Plein. Il y en avait plein, Dana. Et puis au fur et à mesure que ça coulait, c'est devenu plus chaud, bien sûr. Un si petit être. Comment pouvait y en avoir autant? Qu'est-ce que tu fais assise là? Il faut qu'on te trouve de l'aide. Je crois qu'il est parti. Tu n'en sais rien. Vu la quantité de sang. Lève-toi, tu as besoin d'aide. Je sais pas quoi faire. Dana, je devrais savoir quoi faire. Tu l'as pas encore perdu, tu as besoin d'aide, c'est tout. Peut-être juste un cachet. Oui, un cachet, peut-être qu'un cachet. Je vais te trouver un médecin. Et comment tu vas trouver un médecin? Il y aura bien un médecin. Oh, putain de merde. Tiens bon, ça va aller. On racontera tout ça au bébé un jour, je te le promets. Ça commence à faire mal. Il faut de l'aide. À l'aide! Lâche-moi la main, je vais à l'hôtel, ils pourront appeler un médecin. Debout. Mais je peux pas me lever. Reste assise alors, je vais faire vite. 15. Non. Bon. D'accord, tu as gagné. Je me rends. Tu es plus fort que moi. Message reçu, tu as gagné. Je prendrai ton argent, je ferai n'importe quoi. Ne fais pas ça à Jasmine et à son bébé. Jasmine n'a rien à voir là-dedans. Hé hey. Où es-tu? Reviens. J'ai dit que je prendrais ton argent. C'était juste une histoire de cul. De désir, il s'est rien passé. Le diable ne peut pas être dompté par l'amour. Tu restes tout puissant. Donne-moi ton putain d'argent. Où es-tu? Où es-tu? Désolée, je n'ai pas compris. Vous avez besoin de quoi? D'une ambulance. La ligne est mauvaise. Vous pourriez répéter? Une ambulance, putain. Très bien. Combien de temps pour qu'elle arrive? Il faut que je fasse une évaluation d'abord. Comment ça une évaluation? C'est ma sœur, elle est en train de perdre son bébé. Est-ce qu'elle respire? Bien sûr qu'elle respire, le problème c'est qu'elle saigne. A-t-elle reçu un coup sur la tête? Non. Écoutez, envoyez juste une ambulance. Des douleurs de poitrine? Elle est en train de perdre son bébé, vous n'avez pas entendu? A-t-elle des céphalées ou des difficultés à articuler? Non, elle saigne beaucoup. Le bibliothécaire s'approche d'elle avec d'autres volumes. Comment tenir la main de sa sœur quand on a l'impression qu'elle s'en va? Je n'ai pas besoin de livres, j'ai besoin d'une ambulance. Oui, en fait, il s'agit seulement d'un article dans une revue. A-t-elle voyagé à l'étranger au cours des 3 derniers mois? Non, Non. Comment compter les battements de cœur de quelqu'un quand on n'entend que les siens? On est en train de préparer l'ambulance. Elle n'a pas besoin d'être préparée, elle a besoin d'arriver, c'est tout. Bon, êtes-vous toujours intéressée par ces guides? Quelquefois, je trouve qu'ils vont trop loin. Donnez-les-moi. Elle ne devrait pas tarder. C'est-à-dire, ça va prendre combien de temps? Comment rester calme dans un contexte de stress? Bon, c'est assez direct, je trouve, mais bien écrit. Comment faire revenir le diable, vous l'avez? Il y a eu un incident en centre-ville, vous êtes sur liste d'attente. Longue comment, la liste? Pour les livres électroniques, oh, ça prend un moment. Comment écrivez-vous, diable? Vous êtes sérieux? Où est-il? Faites-le revenir, je prendrai son argent. Comment trouver une ambulance à Hartenharten? Non, ça c'est fait. D'ici 20 minutes. 20 minutes, il doit y avoir un moyen de faire venir un diable! Bon, vous pouvez pas me brusquer? Comment garder son calme quand sa sœur est mourante? Elle n'est pas mourante. Ça ne peut pas être plus rapide que 20 minutes. Si elle ne reçoit pas de sang, elle va mourir. Ils lui donneront bien du sang, non? Quelqu'un lui donnera du sang. Donnez-moi un livre. Comment obliger quelqu'un à donner du sang à quelqu'un qui en a besoin? Comment écouter quand les gens disent des insanités? Quelles insanités? Désolée, je dois vous demander, vous avez une assurance? Une assurance? C'est une urgence? Comment garder son sang-froid quand la vie est stressante? Je n'ai pas besoin d'assurance. Vous comptez payer ses soins en espèces? Il y a un CD avec celui-là, avec des exercices de respiration, de la méditation. Oui, on paiera. Je vous paierai, oui, je vous donnerai de l'argent. Je pensais que c'était l'Europe. C'est l'Europe, mais l'hôpital ne prend plus que les espèces. Ah, bah comment s'adapter au temps qui change? Je n'ai pas d'argent sur moi, mais je vais en trouver. J'appellerai quelqu'un. Vous voulez toujours l'ambulance? Bien sûr que je veux une ambulance! Nous avons de l'argent dans une banque. Nous avons de l'argent, beaucoup d'argent, putain de merde, démon, je prendrai l'argent. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez ma sœur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Jasmine apparaît en chemise d'hôpital. Dana l'attend. Je me disais que pour ce qui est de ça, j'en serais capable. Je me disais que ça viendrait d'instinct. Je me disais qu'il y avait peut-être une part de moi qui avait attendu toutes ces années, qui saurait exactement quoi faire, mais faut s'accrocher. C'est la première chose, hein. Règle numéro un, si tu veux devenir mère, accroche-toi. Enferme-le bien en toi, le laisse pas se répandre partout par terre. Jasmine. C'est un peu le béaba, la piste verte. Écoute-moi. Je sais bien que ce soit arrivé. Non. Je me suis faite à l'idée. J'étais même pas sûre de vraiment le vouloir avant aujourd'hui, alors c'est très bien. Viens là. J'étais débile, tu comprends? Si j'avais fait partie des bonnes mères, je lui aurais dit que je l'aimais. J'aurais su qu'il était précieux. J'aurais serré les genoux, je me serais mis du scotch. Je me serais assise plus. T'aurais dû me faire faire ça. Pourquoi je suis pas restée assise? J'aurais pu rester au lit. Je devrais pas être ici avec toi à faire ce voyage débile, mais où j'avais la tête? Il faut connaître la valeur des choses pour pouvoir s'y accrocher. Ce n'est pas vrai. Et vu comme j'étais débile avant, t'imagines ce que ça aurait pu donner après sa naissance? Et si je m'étais toujours pas rendu compte? Et que je l'avais oublié et laissé je sais pas où? Dana? Et si j'étais repartie en virée avec toi tellement je suis bête et que je l'avais laissé je sais pas où et qu'il se soit fait écraser ou voler par des loups ou malmené par des ogres? Et si je l'avais pas soulevé comme il fallait parce que je savais toujours pas et que je lui avais fait mal à son petit cou? Faut faire très attention à leur petit cou, tu sais. Et si je m'étais pas rendu compte? Et si j'étais en train de t'écouter bavasser sans faire attention à ce que je faisais? Et si la tête était tombée? Si le cou avait craqué et que la tête était tombée? Alors j'aurais un bébé sans tête. J'aurais un horrible bébé sans tête, et qu'est-ce qu'on fait d'un bébé qui n'a pas de tête? J'aurais pas su comment câliner et consoler un truc pareil. Je me mettrais en colère, je lui crierais après parce que je serais très fatiguée, et qu'il voudrait pas téter. Il ferait que saigner, saigner, et saigner partout par terre. Je le secouerais, je lui ferais mal, je me mettrais très en colère et je le secouerais. Arrête, hein, de saigner, je dirais, arrête de saigner. Tu peux pas saigner comme ça. Faut que tu arrêtes de saigner et que tu vives! Faut que tu vives! Faut que tu sois mon garçon! Faut que tu me laisses mettre les bras autour de toi et faut que tu grandisses et que tu poses des questions sur les étoiles. Tu peux pas poser des questions sur les étoiles si tu saignes comme ça. T'es plus que du sang, t'es pas un enfant. Le sang, tu le mets dans une casserole pour faire du boudin. Tu l'essuies avec une éponge. Tu l'éponges avec des Kleenex et tu le jettes aux toilettes. T'es rien du tout. Tu peux pas être mon petit garçon. Mon précieux petit bout. T'es que du sang. Hop, aux chiottes, le sang. Dana la tient dans ses bras. Jasmine ouvre la bouche, mais ne peut produire aucun son. 17. Jasmine et Dana sont au bord de la route. Elles sont maintenant en haillons. Dana essaie de faire du stop. Le bibliothécaire est avec elle, mais un peu en retrait. Je crois que ça va être plus facile maintenant. Vraiment? Oui. On a touché le fond. Soyons réalistes. Ça ne peut pas être vraiment pire. On a tout perdu. Absolument tout ce qu'on avait, on l'a perdu. Non ? On a même perdu la valise qui contenait tout ce qu'on avait. Quoi qu'il arrive, maintenant, ça peut pas être pire. On est lundi. Je sais. Non, juste pour dire que, concrètement, on est lundi midi et vous êtes bien loin d'Alexandrie. Je peux peut-être leur parler au téléphone. Ça peut se reprogrammer, ces choses-là. Quand on leur dira ce qui nous est arrivé pendant notre voyage, ils comprendront. Bien sûr. Bah, vous avez vendu votre téléphone pour payer les soins de Jasmine. Je sais que j'ai vendu mon téléphone. Vous êtes obligé de me dire tout ce que je sais déjà. Bah, comment allez-vous appeler, alors ? Je trouverai une solution. Il n'y a guère de cabine téléphonique en état de marche. Je trouverai une solution, j'ai dit. Puis, de toute façon, il vous faut une pièce. Merci infiniment. Vous voulez un livre pour vous aider ? Non, merci. Vous êtes sûr ? Absolument. Pas de livre. Il vous faut traverser de nombreux pays pour arriver à Alexandrie, donc même si vous arrivez à passer un coup de fil... Nous pouvons traverser de nombreux pays. Oui, les frontières sont fermées. Istanbul a fermé ses frontières d'un côté, Alexandrie de l'autre, l'Europe entière essaie de sortir... On nous laissera passer. Que vous croyez ? Pourquoi vous ? J'ai une présentation à faire. Quand je leur expliquerai, ils nous laisseront passer. Ah, mais c'est très différent là-bas, c'est mieux. Tout le monde veut passer, bien sûr. Eh bien, ça veut dire que quand nous arriverons là-bas, les choses seront plus faciles. Quand nous arriverons là-bas. Quand vous les appellerez, vous devriez leur demander un document, quelque chose qui dise qu'ils vous ont invité. J'anticipe, c'est tout. D'accord, je leur demanderai. Vous pensez qu'il va y avoir des voitures par ici ? Quand avez-vous vu une voiture pour la dernière fois ? Pourquoi vous voulez une voiture ? On vous prendra pas en stop. Vous pourriez dire quelque chose de constructif ? Jasmine est anémie. Il lui faut du fer. Je sais ça. Moi, je dis juste que si vous ne lui trouvez pas d'aide rapidement, elle a des organes qui vont commencer à lâcher. Vous pourriez regarder dans une base de données quand est passée la dernière voiture sur ce tronçon de route ? Ici ? Oui. Très bien. J'ai vu des gens mendier. J'ai vu un tas de gens. Moi, j'ai pas vu ça. Bah, vous regardez dans la mauvaise direction. Vous n'avez pas de livre là-dessus ? La pauvreté extrême, si. Je crois que oui. De ceux où vous êtes obligés de vendre vos enfants ? Oui, il y a plusieurs titres dans cette série. Qui sont ? Oh, il y en a beaucoup. Des volumes à foison, des nouveaux qui sortent tous les jours. Vous voulez une nouvelle parution ? Là-bas, il y avait un tout petit petiot qu'ils avaient envoyé mendier à leur place. Oh, c'est probablement une histoire relatée quelque part dans un appendice. C'était même pas eux qui mendiaient. Fréquent, ces temps-ci. Je suis allée voir le petiot et lui ai demandé où étaient ses parents. Mais ils n'étaient pas là. Ils l'ont laissé comme ça, sur la route. Bon, ils avaient peut-être autre chose à faire. Quelles autres choses ? C'était leur petiot. Quelles autres choses y a-t-il ? Je sais pas. Je suis sûr que j'ai un livre sur d'autres choses que les gens pourraient faire. Comment ils ont pu le laisser là ? Au bord de la route ? Mais j'en sais rien. Ça n'arrive pas. Personne ne fait ça. Ah bah regardez autour de vous. Est-ce que vous reconnaissez une seule chose ? Dana regarde autour d'elle. C'était peut-être pas leur petiot. Peut-être. Il y a un guide de cet endroit ? Il y a un guide de chaque endroit. Alors comment ça s'appelle ici ? Je ne crois pas qu'il y ait de nom. Alors c'est l'enfer ? C'était peut-être l'Europe hier. J'ai demandé à l'homme dans la boutique s'il pouvait me donner de l'eau. J'ai demandé à la femme près du robinet, je veux juste de l'eau. Alors concrètement, au niveau de l'eau, la situation est complexe et un peu politique. C'est vraiment le merdier, hein. Il n'y avait rien dans la boutique, parce que tout le monde était devenu dingue et avait tout raflé. La police n'est plus payée, alors elle s'en fout. C'est elle qui rafle presque tout. Si tu demandes à quelqu'un de t'aider, bah, il te plante un couteau. Les gens s'en foutaient pas avant, si ? On l'a pas rêvé. Ils s'en foutaient pas, non. En résumé, il n'y a pas d'essence dans les pompes. Bien sûr, il n'y a pas de voiture. J'ai pas de livre, mais un article très bien écrit à ce sujet, avec des photos. Il n'y a pratiquement pas d'essence dans la plupart des anciens pays de la zone euro. Alors, les gens se sont mis au vélo. Le vélo a fait sa réapparition. ceux qui en ont un. Où est-ce que je vais trouver un vélo ? Ah, moi, je ne dis pas que vous devriez trouver un vélo. Je dis juste que les gens sont résilients. Ils se servent de ce qu'ils ont. C'est ça, la résilience ? Qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Je ne peux pas la porter. Moi, j'ai déjà tous les livres. Elle peut marcher ? Je ne sais pas. Dana s'assoit à côté de Jasmine. Tu dormais ? Peut-être un peu. Il faut qu'on essaye d'arriver à la frontière. Alors on pourra encore aller à la présentation. Si je peux faire la présentation, je peux avoir le boulot. Si je peux avoir le boulot, je peux nous sortir de là. Ils auront un endroit où je pourrais me reposer ? Oui, c'est exactement ce qu'ils auront. Après la présentation ? Exactement. On n'a pas d'argent. Faut pas de l'argent pour arriver à la frontière ? Je crois pas. Concrètement, si. Taisez-vous donc. Il faut de l'argent, vraiment, Dana. Ah oui, bon bah, t'inquiète pas, je vais nous trouver de l'argent. Je ferai un emprunt à court terme, au besoin, je pourrai rembourser quand on aura le boulot. Tu peux pas faire un emprunt ? Je ferai un emprunt. Tu peux te lever ? Quand on verra le médecin, on pourra lui demander d'examiner aussi le bébé. Le bébé ? Vous lui avez pas dit ? Si, je lui dis ! Tu crois qu'il y a encore des médecins ? Tu as perdu le bébé, ma chérie. Non. Jasmine, mon cœur, tu as perdu le bébé. Fais pas l'andouille, c'est une blague. Non. Non ? Désolée. Ah oui. Non mais j'ai perdu le bébé. J'arrête pas d'oublier. Ah, je suis trop conne d'oublier une chose pareille. Juste au moment où il arrive, au moment où on l'a dans les bras, on l'enverra pas dehors mendier à notre place, hein. Mais non, non. Même si on pouvait, je veux dire. Hmm ? On n'a plus le bébé. Le bébé, c'était juste du sang. Tu es sûre ? Je suis sûre. Tu dis toujours des choses trop méchantes. Je sais pas si je dois te croire. Pourquoi on l'aura pas dans les bras ? Jasmine, ma chérie. Je sais, non mais il est parti. Tu as dit qu'il était parti. Faut juste que j'arrive à me souvenir. Pourquoi j'arrive pas à me souvenir ? Sois forte, s'il te plaît. Je suis forte. Il faut que je t'emmène jusqu'à la frontière. Oui, il faut de l'argent pour arriver à la frontière. Vous allez arrêter de dire ça. Je sais que nous n'avons pas d'argent, mais nous allons en trouver. Tu n'as même pas envie d'aller jusqu'à la frontière. Je suis bien là, dans la poussière. Je peux pas me coucher là et tout oublier. Tu devrais pas faire ça, hein. Redresse-toi. Redresse-toi, Jasmine. Tu te souviens comme tu t'occupais toujours de moi et comme tu étais toujours forte, quoi qu'il arrive. Tu étais solide et d'aplomb. Laisse-moi me coucher. Vous pouvez vous occuper d'elle pendant que je vais chercher de l'argent. Oui. Faites attention que personne ne lui fasse de mal. Mais vous avez dit que vous ne le feriez pas. Je sais ce que j'ai dit. Il aura gagné. Il a gagné. Il nous a réduites au néant. Il a gagné. Regardez-nous, il a gagné, putain. Vous allez vous occuper d'elle, oui ou non ? Vous aurez besoin de livres. Je n'ai pas besoin de livres. Vous devriez les prendre, Métavie. Il y a des choses qui vous aideront dans ces livres. Comme quoi ? Enlever ses vêtements devant un étranger. J'ai déjà fait. La science économique de se vendre ? Certainement pas. Comment avoir l'air d'apprécier quelque chose quand votre peau se hérisse ? Ok, je prends celui-là. Comment arrêter de s'étouffer avec un pénis faisandé dans la bouche ? Vous devriez prendre aussi celui-ci, Métavie. Comment faire en sorte de ne pas être étranglé ? Comment ne pas attraper de maladies mortelles ? Comment rester en vie quand on se prostitue ? Elle prend les livres. Et un dernier. Comment tout oublier une fois que c'est terminé ? Je ne vais pas tout oublier. Il existe de très bons ouvrages sur la méditation, l'auto-hypnose, le lâcher-prise. Occupez-vous de ma belle Jasmine. Vous pouvez faire ça. 18. Dana relève ses vêtements et les fend pour se donner l'air plus sexy. Un homme arrive, il jette une couverture et un vieil oreiller pourri par terre. Dana essaye de fixer un prix avec lui avant qu'il commence. Mon prix, c'est 45 euros. Tu plaisantes ? 45 euros et je te donnerai du bon temps. T'as déjà fait ça ? Oui. Non, parce qu'une expression comme ça, personne ne l'utilise. Tu veux le faire ou pas ? Ah, bien sûr, mais du bon temps, dis pas ça. Hein. Et 45 euros, désolé, mais pour 45 euros, on a quelqu'un de plus... Quoi ? Fringant, sans vouloir être grossier, mais quelqu'un qui a pas déjà l'air de perdre ses cheveux. 25 alors ? 15. C'est pas assez. Tu sais pas ce que je vais te donner. Ah, je crois bien que si, je crois que je sais exactement. J'ai ma sœur qui va pas bien, il faut que je la tire de là. Il faut tous qu'on se tire de là. Tu crois que tout le monde veut pas se tirer de cet endroit à tout prix ? 15, sinon rien. 17. Désolé, pas intéressé. D'accord. 15. Et si je disais 10? Tu viens de dire 15. J'adore. T'aimes pas ce moment-là? C'est toi, diable? Quoi? Si c'est un jeu... Je croyais qu'on était en train de discuter prix. Oui. 10. Bon, voyons voir ce que tu donnes, alors. Dana commence à se déshabiller. Elle est gênée. Tu te déshabilles aussi? Plus tard. C'est que je me sens un peu... T'as vraiment pas l'habitude de ça, hein? Dana enlève son chemisier. La marque a recouvert son corps. Qu'est-ce que t'as? Rien. Cette grosse marque sur toi, c'est quoi? C'est qu'une tache de naissance, je suis née avec. J'ai jamais vu une tache de naissance pareille. Il s'avance vers elle. Ça fait mal? Non. On dirait un tatouage. J'aime bien. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. Tous les trucs. T'inquiète, hein, quand tu verras ce que j'ai, t'auras la banane. Elle l'embrasse. Plus que ça. Elle se met à le caresser à travers ses vêtements. Plus que ça. Elle lui baisse le pantalon. Plus que ça. Elle prend sa bite dans sa bouche. Il l'attrape par les cheveux et la tire en arrière. Il remonte sa jupe, soudain violent, et la pénètre. Brutal. Presque un viol. Ça lui fait mal. Ça lui fait de plus en plus mal à chaque coup. Dana tente de se lever. Elle parle aux examinateurs. Pour ma présentation, je voulais parler de l'expérience du client. Comment l'expérience du client peut influer sur le moment du transfert d'argent. Si le client était satisfait, la remise de l'argent peut s'avérer plus... Elle a du mal à continuer. Elle peut s'avérer plus. Elle a mal, elle a été brutalisée. Si la rencontre a été considérée comme bonne, le client... Elle regarde autour d'elle. Pourquoi tu ne veux plus me parler? Où es-tu? Diable, je sais que tu es toujours là. La lumière de l'entretien monte. C'est toi? Mademoiselle Edwards? Ah! Vous nous entendez? Oui! Nous vous attendions lundi dernier. Ah, j'en suis désolée. C'est tout ce que vous avez à dire? J'ai été retenue. Si nous devons vous réserver cette bourse de recherche... Je serai là, hein. Quand, mademoiselle Edwards? Dès que je peux. Pouvez-vous m'aider à atteindre la frontière? Ah, nous laissons les personnes s'occuper elles-mêmes de leur voyage. Nous comprenons que la période est difficile pour celles en provenance de l'Union européenne, mais... Non, mais ils ont pratiquement fermé la frontière avec la Turquie. Et si nous prenons un bateau... Nous sommes certains que vous trouverez une issue. Il n'y a pas d'issue, toutes les frontières sont fermées. Nous vous laissons encore une semaine. Pourriez-vous me donner un papier disant que vous m'avez invité? Ce n'est pas sûr. Le fardeau administratif. Si vous pouviez me donner un papier disant qu'il faut que j'aille prendre un poste... Mais vous n'avez pas de poste, c'est justement le sujet de nos discussions. Vous pourriez avoir un poste. Il y a des milliers de gens avant moi, même s'ils réouvrent les frontières... Êtes-vous en train de dire que vous voulez annuler, mademoiselle Edwards? Nous pourrions donner ce poste à quantité d'autres personnes. Non! Vous serez là? Je serai là. À bientôt, donc. Les voix semblent disparaître. Dana se retrouve seule. Diable! Elle est dans une lumière vive. Je sais que tu es là. Tu es partout maintenant. Je te sens. T'entends. Tu es dans chaque visage. Chaque cadavre qui fut une personne. Tu es dans les pillards et les rapaces. Les racketteurs et les égarés. Autant te faire connaître. Avoir ta victoire. Profiter du dernier rire. Tu as tout eu. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Dana est toujours en train de baiser avec le client. Il jouit bruyamment. C'est enfin terminé. L'homme remonte sa fermeture éclair. Il sort de l'argent de son portefeuille qu'il dépose soigneusement par terre à côté d'elle. Merci, c'était chouette. Puis il part. Dana est seule. Oh putain. Elle est meurtrie et contusionnée. Elle a du mal à se relever. Elle pousse un cri, il lui a vraiment fait mal. Elle ramasse l'argent. Une femme arrive, vêtue de lambeaux qui ont peut-être été des vêtements chics. Salut. Salut. T'es blessée, on dirait, ça va? Pas vraiment. Il y a une deuxième femme derrière elle, elle aussi est couverte de crasse. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas trop. Ça va aller. T'es pleine de bleu, on dirait. Seulement, c'est un peu notre coin. Hein? Tout Spark. Laisse-lui une minute. Mais pourquoi ? Elle est blessée. On est toutes blessées. T'es pas blessée, toi ? Qui ne l'est pas, putain ? Désolée, j'avais pas compris que... C'est pas délimité. Je croyais que c'était juste un parc. Jusqu'aux arbres, là, en remontant jusqu'au chemin, à nous. Des balançoires jusqu'à la route. Ok. Si tu veux le coin derrière le parking, faut que tu te le gagnes, contre une des filles de là-bas. Eh, bonne chance, hein. J'ai pas envie de me battre. C'était des incites de primaire, mais on dirait pas maintenant. Je m'en vais. Combien tu t'es fait pour savoir ? Oh, laisse-la s'en aller. Et je demande juste. Pas beaucoup, en fait. Dana ramasse ses affaires pour partir. Allez, fais voir. On sait comment ça marche, on peut t'aider. Pour voir si tu peux te faire plus la prochaine fois. Il y aura pas de prochaine fois. Fais-moi voir. Dana ne sait pas si elle peut leur faire confiance. On sait ce que c'est. On est comme toi. Elle leur montre la main encore tremblante. Pas mal. C'est horrible. Ça n'a aucune importance. Ah, mais ne sois pas cruelle. Il faut qu'elle comprenne. Nous n'avons rien d'autre. Rien que cet endroit et nous. Pardon ? Elle était avocate. C'est une question d'équité. Je vous l'ai dit, je savais pas que cet endroit était à vous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut plus ne pas savoir les choses. On ne peut pas faire de faux pas. Je m'en vais. Si on avait le choix, c'est la jungle maintenant. Les filles là-bas, les autres... Ma sœur vient de perdre son bébé et elle a besoin de soins. Elle a besoin. Tu as besoin. Qui parle de besoin ? C'est un terme inutile. Tout le monde a besoin. J'ai une mère qui est mourante. Elle a 3 filles. Donne, complique pas les choses. Je te connais, toi. Dis pas de conneries. Tu passais à la télé ? Tu présentais le journal ? Et t'occupe pas, ok ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Martha prend l'argent qu'elle tend à Clara. Tu veux sauver ta sœur ? Va falloir t'aguerrir. Qu'est-ce que t'as dit ? Dana trouve la force d'une guerrière. Elle se précipite sauvagement sur Martha. Hey, mais lâche ça ! C'est à moi ! Clara s'y met aussi. Va te faire foutre, je l'ai gagné ! Et alors ? Dana les attaque et récupère l'argent. Les filles se retournent contre elles. Elles sont plus agressives et elles sont 2. Martha la cogne. Ça n'a rien de personnel, hein ? On t'a dit, on en a besoin, c'est tout. Dana perd. Elle est bourrée de coups de pied. Les femmes prennent son argent. Elle lui donne encore des coups de pied à toutes fins utiles. Elle laisse Dana qu'elles ont battu complâtre. C'est bon. Elle a une chatte, non ? Elle peut s'en servir. 19. Le bateau. Jasmine et Dana sont dans un bateau. Avec elles, des centaines de personnes, toutes serrées comme des sardines. Tu crois qu'on devrait appeler notre élu local ? Hein ? Bah, il doit bien y avoir quelqu'un qui essaie encore d'arranger les choses. Ça m'étonnerait que les politiques travaillent encore. C'est sûr que si, à la télé, ils disent toujours qu'on peut les appeler. Sauf qu'il y a tellement de monde qu'il faut les appeler avant les autres. Tout le monde s'excite. Vas-y, la première. Où ça ? Au téléphone ! Oh, la vache ! Tout va bien, juste une vague. Les politiques obtiendront l'aide d'autres pays. On peut leur dire comment la dépenser, probablement qu'ils nous remercieront. Mais quelle aide ? De tous ces pays à qui on a apporté de l'aide, les pays africains. On a donné un peu à... On n'a pas donné grand-chose. C'est à leur tour de nous aider, ils peuvent pas juste regarder. C'est encore une vague ? Je crois bien, oui. J'aime le bateau, moi. Essaie. Il devrait y avoir un toit ! Dis ça à l'élu quand t'arriveras au téléphone, un bateau avec autant de gens. Ils ont dit qu'ils en prendraient que 80, on doit être plus de 300. Bah, ils font ce trajet tous les soirs, ça va aller. Oh, lâche ! Encore une vague, un peu de houle. Ils devraient naviguer de jour, si on voyait les vagues arriver, on pourrait s'y préparer. Bah, je crois que ça doit se faire de nuit, pour que personne ne voit. On a dû payer pour ça ? T'inquiète pas pour l'argent. Mais je m'inquiète pour l'argent. C'est un scandale. Ça devrait être un service gratuit. Les gens comme nous doivent être sauvés. Et entassés comme ça, traités comme des sardines. Il n'y a même pas de siège pour tout le monde. Il nous faudrait un siège pour le bébé si on l'avait encore. Dis-lui à l'élu qu'il n'y a même pas de siège pour bébé. T'inquiète, hein, je me souviens qu'on a perdu le bébé, mais quand même. Bah, ça doit être ce qui fait qu'ils y gagnent. Ils prennent des risques après tout. C'est nous qui prenons des risques. Ce bateau aurait dû être retapé il y a des années. On doit peut-être essayer de se rapprocher du bord, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, on pourra attraper une bouée de sauvetage. On ne peut pas bouger, je pense pas qu'on devrait essayer de bouger, là. Tu m'as dit si j'aimais le bateau ? J'ai dit que tu adorais. J'ai vraiment mal au cœur. Ça va aller, cramponne-toi à ma main. Jasmine s'accroche à la main de Dana. Si le bébé était là, faudrait qu'on s'y cramponne drôlement. Qu'on fasse attention qu'il aille pas près du bord, ce serait horrible comme voyage avec un bébé. Tu te souviens qu'on a perdu le bébé ? Bah bien sûr que je m'en souviens. J'étais en train de dire au bébé qu'on l'avait perdu. C'est un vilain bébé qui arrête pas d'oublier. Moi, ça va. Je sais. Ils seront contents de nous voir quand on arrivera à Alexandrie ? Peut-être. J'espère bien. Tout ce chemin. Je veux un lit propre, avec des draps propres. Ça marche. Une maison avec un jardin. Peut-être une balançoire. D'accord. De la bonne eau du robinet. Du pain, comme à la maison. Des chaussures qui ne me fassent pas saigner les pieds. Une fois que j'aurai le boulot, tout s'arrangera. On rentrera jamais à la maison, c'est ça ? Je crois pas qu'il nous reste quoi que ce soit là-bas. J'aime pas l'idée de pas exister. d'être une personne, mais pas une personne. Comme le bébé. Le bébé... Non, mais est mort, je sais. Alors que nous, on sera juste sans papier. Je comprends. Quand on arrivera là-bas, ça s'arrangera. Tout ira mieux. Un choc soudain. C'était quoi, ça? Quoi? Cette secousse. Mais on est en pleine mer, c'est normal qu'il y ait des secousses. Si seulement je savais nager. S'il arrive quoi que ce soit, tu attrapes une bouée de sauvetage. Et le bébé? On n'a pas le bébé, souviens-toi. Oh, non, non, non, attends, j'ai encore oublié. Ce bêta de bébé m'a fait oublier. C'est des vautours, les gens qui conduisent ce bateau. Il n'y a pas de toit, pas assez de bouée de sauvetage, pas d'endroit où s'asseoir. Peu importe comment on y arrive, point barre, ok? Ok. Le bibliothécaire vient taper sur l'épaule de Dana. Pas maintenant. Vous aurez besoin d'un livre. Je ne veux pas de livre, je me sors de là quand on sera arrivé. Traversée agitée pour esprit fragile. Nous ne sommes pas des esprits fragiles. Il faut que je tienne la main de ma sœur. D'accord. Comment repérer un danger et agir en fonction? Nous ne sommes pas en danger. La mer n'est pas mauvaise, la traversée est courte, on passe par la crête. Comment repérer des rochers dans l'obscurité? Il n'y a pas de rochers! Comment déceler des rochers qu'on ne voit pas? Même si en principe c'est un guide de matériel de navigation et que ce bateau n'en a pas, alors... Ce bateau n'en a pas? Oui, non, ils ont un compas et quelques autres trucs... Ah, j'ai peut-être un livre là-dessus. Oh, bah, y a des gens qui dégueulent. Vous voulez quelque chose sur comment éviter d'être recouvert de vomi dans un navire découvert? Pas vraiment. D'accord. Comment retenir sa respiration pendant très longtemps? Je n'ai pas besoin de retenir ma respiration. Pourquoi j'aurais besoin de retenir ma respiration? Vous avez besoin de retenir votre respiration pendant très longtemps, Dana! Je suis à l'air libre. Je n'ai pas besoin de retenir ma respiration. Regardez, je respire... Retenez votre respiration maintenant! Dana! Retenez votre respiration pendant très longtemps! Les lumières de l'entretien reviennent. Dana est trempée et reste debout, dégoulinante. Mademoiselle Edwards? Oui. On dirait que vous ne respirez pas. Je respire? Je retiens ma respiration? On dirait que vous êtes en train de couler. Je ne suis pas en train de couler. Si cela signifie que vous ne pouvez pas faire votre présentation, ça va nous poser des problèmes. Je vais faire ma présentation. On dirait que vous êtes inerte, mademoiselle Edwards. Je ne suis pas inerte. On dirait que vous êtes tirée sous l'eau. Il y en a d'autres qui crient, mais vous ne semblez pas en faire partie. Je crie, mais c'est dur quand on retient sa respiration. Aucun mot ne sort. Mademoiselle Edwards? Je retiens ma respiration. Comment voulez-vous que des mots sortent de ma bouche? Il fallait retenir votre respiration plus tôt. Je la retiens maintenant. En touchant l'eau, vous avez eu un choc. Vous avez été emporté. Vous vous êtes cogné la tête. Non, ce n'est pas vrai. Je retiens ma respiration. Je retiens ma respiration. Je retiens ma respiration. Vingt. Le démon est derrière Dana. Il la ramasse et la porte comme une enfant. Elle est inerte et trempée, les cheveux tout emmêlés. Il est en uniforme, il travaille pour l'ONU. Un chariot arrive, un hôpital de fortune est créé. Le démon dépose Dana sur le chariot d'hôpital. Une femme médecin vient l'examiner. C'était une migrante. On n'a pas son nom? Non, je ne crois pas. Bon. Ça m'étonnerait que quelqu'un se préoccupe de son dossier dentaire. On mettra femme inconnue sur le certificat de décès. Cause du décès? Noyade. Et choc hypothermique. Tiens, ses électrolytes sanguins... Mm-hmm. Elle a retenu sa respiration trop longtemps. En gros, le choc à la tête l'aura peut-être tué d'abord, avec un peu de chance. Le médecin l'examine. Il faut vraiment être débile pour faire la traversée dans un bateau comme ça. Il le cherche, hein. C'est quoi cette marque qu'elle a? Je pense que c'est le manque d'oxygène quand elle a coulé. Bizarre. J'en ai jamais vu de pareil. On en a combien? C'est la 90e, mais ils en sortent encore de l'eau. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prennent ce risque? Qu'est-ce qu'on fait du corps? On fera une inhumation vite fait. Tu comprends, ça aussi, c'est à nous de gérer. Soit on les inhume ici, soit on paie pour les rapatrier. De toute façon, c'est à nous de casquer. On n'en a pas fini avec l'aspect économique de l'effondrement de l'Europe. La médecin s'en va. Prépare-la et va t'occuper des autres. N'y passe pas la nuit. Le diable s'assied aux côtés de Dana. Il pose sa main sur sa joue. Il lui touche tout le corps avec douceur. Il la relève et s'assied derrière elle. Il la berce. Le bibliothécaire entre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le diable n'a pas de réponse à ça. J'apportais juste quelques livres. Je pense qu'elle n'a plus besoin de livres. Au contraire. Elle a besoin de beaucoup de livres, là où elle va. C'est encore plus compliqué. Tu n'as pas été un bon guide. Regarde ce qui lui est arrivé. C'est toi qui as fait ça, pas moi? Je n'ai rien fait du tout. D'accord. Mais tu as regardé. Tu n'as rien empêché. Elle était naïve. Il fallait qu'elle voie un peu des choses. Je la réveille. Tu veux que je la réveille? Tu peux pas la réveiller. Techniquement, elle est morte. Techniquement? Son cœur bat encore. Il est faible, mais présent. À vrai dire, elle pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. D'un côté, une piqûre d'adrénaline et les yeux ouverts. De l'oxygène, peut-être, si elle en a besoin. De l'autre, si on la laisse sur le chariot, ce sera terminé d'ici une heure. Le démon sort une petite seringue de sa poche. Je l'ai, là. Les deux portent. Ne la réveille pas. Pourquoi? Sa sœur aussi est morte. Il me semble que l'une sans l'autre... Elle en a assez bavé. Ce petit corps. Elle l'a mérité. Elle croyait qu'elle pouvait m'obliger à l'aimer. Comme elle se trompait. Il lève la seringue d'adrénaline. Le bibliothécaire arrête son geste. Tu es censé donner des conseils, c'est tout. Tu n'es pas censé faire quoi que ce soit. Tu es le bibliothécaire, tu restes dans ton coin. Même l'homme du coin peut se lever. Ah bon, vraiment? Comme il l'a fait au début? Elle en a assez bavé, il faut arrêter ça. Le démon réfléchit. Et l'a laissé partir? Il ne lui reste rien, après tout, si. Tu as prouvé que tu avais raison. Elle a tout. Qu'est-ce que tu veux dire, rien? Elle a réussi la traversée? Elle a réussi à passer de ce côté? On pourrait la réveiller, lui donner des vêtements. Elle pourrait faire sa présentation, décrocher le poste, un salaire correct, acheter un appartement. Elle fait partie des chanceux. Elle pourrait tout avoir. Comment peux-tu dire qu'elle n'a rien? Mais elle a ouvert les yeux maintenant. Comme tu disais, elle ne peut plus les refermer. Même toi, tu ne peux plus les lui refermer. Ce qu'elle a vu... Elle croyait que les hommes et les femmes étaient fondamentalement bons, la nature humaine essentiellement bienveillante, et puis elle a vu tout être balayé, une crise, et la jungle est venue à elle. Elle a entendu hurler les hyènes, vu l'enfer se graver sur les visages des autres, alors soyons réalistes. Elle a vu le sombre marécage au fond de l'âme humaine, et une fois qu'on a vu ça... On lui fait tout oublier alors. Facile, on lui fait tout oublier. On la met en transe, on lave tout. Elle est comme morte, on la lave dans la rivière entre les deux mondes s'il le faut. Le diable se met à enlever à Dana ses vêtements trempés. Comment peut-on oublier tout ça? On peut tout oublier. Arrête d'en faire tout un plat, les gens deviennent un peu méchants, et alors? Les gens comme Dana vivent comme dans un après-midi de brume. Beau mais fragile, un faux pas dans une faille et... Qui danse sur les failles, y tombera un jour. Ça doit être un dicton. Est-ce que quelqu'un de connu a dit ça? Passe-moi ses chaussures. Ses chaussures lui iront bien. Le bibliothécaire lui passe les chaussures. Et une veste que j'ai posée sur cette chaise? Le bibliothécaire lui passe la veste. Il commence à l'habiller de vêtements neufs, des vêtements modernes, des vêtements dans lesquels elle aura belle allure. Je vais la réveiller. Tu n'as pas été un bon guide. Je vais la réveiller. Trouve-lui un livre. Comme quoi? Un livre sur la vie moderne. Un livre qui pourrait avoir « Vie moderne » dans le titre. Je ne sais pas comment meubler un appartement en un week-end. Que porter quand on veut se sentir classe? Le guide du cinéma. Un livre de cuisine, un manuel pour choisir quelle voiture trop chère acheter. Comment avoir de bonnes places au théâtre? À quel organisme de bienfaisance donner pour se sentir mieux? Que dire lors d'un premier rendez-vous? L'art topière pour les débutants? Le régime pauvre en glucides. Comment écrire un roman pour ou contre le fil dentaire? Tu veux que je continue? Il tire les cheveux de Dana en arrière. Comment ne pas mal s'habiller? Les médias sociaux? Twitter? La pâtisserie pour les chefs? La méditation pour les suroccupés? L'équilibre travail-vie? Et comment y survivre? Il lui lave le visage. Pour ou contre la fessée? L'histoire pour les nuls, guide des vins d'Alsace, combattre l'anxiété, vaincre l'insomnie, la sinusite, L'énigme de la prostate. Comment choisir une perruque? 1000 choses à voir avant de mourir. Il l'a fait se lever. Elle a toujours les yeux fermés, mais elle tient debout toute seule. Dana? Dana? Les lumières montent. Dana? Les voix du jury d'entretien Dana. Rejoignent l'appel de son Dana. Nom. Dana? Dana? Dana? Dana? Dana est maintenant debout, rétablie et vêtue de façon élégante, adaptée à un entretien. Dana s'éveille avec une brève inspiration. Si vous voulez bien commencer votre présentation. Fin. Comment retenir sa respiration, de Zini Harris. Traduit de l'anglais par Blandine Pellissier. Enregistré en public à l'Odéon Théâtre de l'Europe le 20 mars 2017. Avec Florence Loirecaille, Clément Bresson, Anne-Lise Heimberger, Xavier Gallet, Laurent Lederer, Miglen Mirtchev, Stéphanie Fatou, David Mijot, Sophie Dole, Clémentine Verdier. Remerciements aux équipes du Théâtre de l'Odéon. Conseillère littéraire Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage Hervé Dubreuil, Éric Villenfin, Claude Niort. Assistant à la réalisation Vivien Demeyer. Réalisation Laure Goroff. Une coproduction France Culture Odéon Théâtre de l'Europe en collaboration avec la Maison Antoine Vitesse.